Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Toutes tes hosties de bruit, man. T'as-tu un... On enregistre. Ouais, il y a une poubelle en dessous du labo. OK, go, on enregistre. OK, bon, on va toutes la faire ensemble, one shot. Là. Prenez-vous toutes deux chips ou trois. Right. Lourdez-vous la bouche comme du monde, là. Attention. On va faire notre mal. Fait que tout le monde devant le micro, on se tient prêt. Un, deux, trois, go. Excellent. Non, on rate en même temps. Non. Ce qui est le fun, c'est que c'est des multigrains, fait que c'est santé, tu sais. En direct du quartier Onsic à Montréal, vous écoutez l'épisode 48 du Geek Collectif, le podcast. Comment ça va tout le monde autour de la table présentement et sur les internets? Bien. Super bien. Super bien. Juste super. Super. By the way, c'est quoi, c'est le mot de la soirée? Super. Super. J'ai dit ça de même, là, mais c'est borderline Laval. Là. Borderline. C'est comme, on est comme en banlieue. Sur le GPS de Facebook, on est à Pont-Vieux. Pont-Vieux. Ouais. Ouais, selon Facebook, on est à Pont-Vieux. C'est ça, du bois de Laval, Saint-Cruz. C'est la banlieue de Laval. Donc, fuck Laval. Qui dit Pont-Vieux dit Black Label en flûte. Y a-t-il quelqu'un de Pont-Vieux qui nous écoute? Je pense que je vais me faire lancer des talons. C'est pas grave, je me coupe de Laval. Ou de Laval. Ou de Laval. Non, mais je viens de Laval, fait que c'est pas grave, j'ai le droit, tu sais. Non, mais okay. Épisode 48, ça faisait un bout qu'on n'avait pas enregistré. On s'était pris une genre de petite pause syndicale, travailler sur des projets divers comme ma vie de couple et mon travail. Mais la saison continue. La saison continue. En fait, la saison n'arrêtera probablement jamais. C'est ça. 48 épisodes, à un moment donné, le monde dit « Chris, changez-vous de saison à un moment donné? » Non. Ben, non. Comment? Fait que la saison 1 est tout le temps meilleure. C'est vrai, hein? Dans c'est tout. Vrai. Après, ça dérègle après. C'est le downfall de tout. Fait que pourquoi faire d'autres saisons? Ben, je sais pas, Breaking Bad... Il y a des exceptions. Il y a des exceptions. Mais, la 1 était meilleure, pareil. Breaking Bad. Non, non, je te le dis, fais-moi confiance, ça devient vraiment bon après saison 3. J'ai pas l'investissement de temps à faire. Ça doit faire la 8e fois, j'accorde, ça doit en nombre. Ouais, tu l'as compté, même version Wildstar. Ah, j'ai pas cet investissement-là de temps à faire. Ça devient vraiment bon au endgame du jeu. Donc, épisode 48, Montreal Comic Con 2014. Là, on est allé faire un tour toute la game, mais là, il y a une voix féminine avec nous. C'est pas mal. Pour les gens qui nous écoutent en ligne, ben vous le savez déjà. Fait que vos boîtes. Marie. Oui. Marie Bergeron. C'est moi. Oui. Tu fais quoi dans la vie, nouvelle Marie? Nouvelle voix. Je suis artiste, en fait, illustratrice, artiste, designer graphique, name it. Le titre, il est long. Mais dans le fond, ça, je suis à mon compte. Je fais ça temps plein chez moi pour le fun. Puis je tripe sur des trucs geek. Alors voilà, j'ai comme créé mes propres affiches et tout pour vendre au Comic-Con, entre autres, qu'on va parler. Et puis, c'est ça, je vends tout en ligne. Vous pouvez toujours aller voir sur mon site, mariebergeron.com, c'est aussi simple que ça. T'as même pas entendu la shameless plug de la fin, j'aime ça, on se dit au début, c'est bon. Allez acheter des prints pendant que vous écoutez le podcast, toujours bon ça. Toujours. Avant qu'ils partent tous. Avant qu'ils partent tous. C'est vrai, ils partent très vite. Il y a sûrement des batchs là, qui sont déjà partis en plus, j'imagine. Ils partent très vite, surtout après Comic-Con, ça comme les gens ont comme... regretter, je pense, d'avoir pas acheté de trucs à mon boot. Alors, ils ont tous été après. Puis, j'en ai moi, pas mal de sold out en ce moment. Parce que j'en ai certains qui sont limités. Hein, fait que quand j'en ai plus. Ça fait combien de temps que tu fais ça, si c'est pas trop indiscret? Ça fait 3 ans professionnellement que je fais ça. C'est sûr que j'ai dessiné avant ça, mais vraiment là, que je me concentre en plein là-dessus, 3 ans. Ouais. Puis là, on a comme un nouveau poulain à côté de toi aussi qui est avec nous. Un habitué du collectif, mais là... Attends, c'est ton bruit de poulain, ça. Ça serait comme une tortorelle. bon. Christian Bolanos, de retour au collectif. Ouais, pour une... Cinquième, sixième, j'ai aucune idée. Je pense que t'es comme notre plate à Comic-Con, toi, je pense. Hein, à chaque fois. Chaque Comic-Con. C'est vrai. Je suis en là avec Comic-Con même. Chaque Comic-Con est avec nous autres. Même c'est un War Vet. Mais là, cette année, t'as eu une opportunité différente à Comic-Con, dans ouais, le fond. J'ai rien vu à Comic-Con. J'ai rien vu, hein? J'ai rien vu. Fait que toi, tu vas parler en supposition tout le long de la soirée. Une autre expérience dans un sens. Eh ouais, exactement. Il était derrière la table avec moi et Maydef. Ça a vraiment été, je veux dire, un helper tellement fiable. Je le reprendrai à chaque année. Mais écoute, là, il est très fiable. On l'invite à chaque fois. Puis il est pertinent. Il dit des bonnes choses. Il travaille bien. Le monde l'aime bien en plus. Il est sympathique. Oui, exactement. Alors, j'ai tombé sur la bonne personne, c'est quoi. High five. Yeah. Puis toi, Chris, cette année, c'était la première année aussi que tu exposais ton stock également. Oui, j'ai exposé deux posters. Mais c'est en fait, ce que j'ai aimé, c'est de voir les gens venir acheter... dans les dans le boot. Puis c'est complètement différent. Mais c'est, je veux dire, peut-être si j'aurais été dans le boot à côté, il aurait fait pitié. J'aurais peut-être tout vu pas mal dans Comic-Con, mais le boot à Marie était pas mal achalandé. C'était plus rough que les Boxing Day chez Future Shop. Oh, wow. Quand même, hein? Wow. Quand même. Ah, ils ont vécu en haute, plus, mais moi aussi. Il y en dit gros là. Trois jours en plus. Ah, c'était quelque chose, c'était quelque chose. Mais ce qui est le fun, c'est ça, c'est que, comme on l'a mentionné, vous allez pouvoir nous apporter un aspect différent de Comic-Con, qui est l'aspect artiste exposant. Vous autres, vous avez vécu trois jours intenses derrière une table, ou deux tables dans votre cas, vous aviez quand même un beau boot. Vous allez pouvoir nous parler un peu c'est quoi le feeling derrière ça, mais avant tout, on a une tradition collective qu'on va essayer d'écourter ce soir pour se concentrer principalement sur le sujet, mais on fait toujours un tour de table, savoir qu'est-ce qui s'est passé avec les gens qu'on appelle l'actualité. Milton, toi tu m'as parlé toute la semaine, t'as dit j'ai plein de sujets. Ouais, ben j'avais plein là, d'affaires. Là. Mettons que tu en as un. Là. Mais ma grosse affaire, là, c'est plate à dire, puis... Ça me crève le cœur, là, sauf que j'ai résisté tellement longtemps, je pense que je me mentais depuis un certain temps. Oh, je sais où ce qui s'en va avec ça. Non. Je ne sais pas. Non, t'as écouté Jeanne-Lou. Non. C'est j'ai carrément cancellé ma précommande de Super Smash Bros. Au 3DS. Mais comment fais-tu ça? Parce que j'ai joué aux démos. Je trouvais ça, je vais dire, cool. Pour des petits côtés comme j'avais Megaman. Fait que toi, Megaman, puis c'est cool. Pour moi, c'était cool. Non, mais tu sais, je parle, il me manquait quelque chose. Puis je sentais en dedans de moi que j'essayais de me convaincre de l'acheter. J'ai précommandé le jeu. Puis je rejoue aux démos de temps en temps. Puis le démo en tant que tel, il est pas mauvais dans le sens que c'est ça, Super Smash Bros. Là. C'est pas le jeu, là. Je m'ai rendu compte que je jouerai probablement pas avec. Parce que c'est pas comme un Pokémon, exemple, ou de quoi, que ça me dérange pas avant de me coucher, je m'installe, je m'endors tranquillement sur le jeu, mettons, je peux jouer pendant une demi-heure, une heure, quelque chose. Là, j'étais là, c'est le genre de petit jeu énervant, là, tu sais, ou de quoi de même, que t'es pas. C'est pas le genre de jeu que mais tu joues. Mais t'avais-tu joué avant, aux anciens? Ouais, j'ai toutes les autres, là. Mais là, tu parles de la 3DS, pas de la Wii U. La 3DS, pas de la Wii U. Mais l'affaire, c'est que, à cause de ça, je m'ai rendu compte que j'étais carré de Nintendo. J'ai ma 3DS puis ma Wii U. Puis depuis 2-3 ans, j'essaie de me convaincre que, oh, si, il y a des bons jeux, hein, je vais en acheter un à tous les 8 ou 9 mois. Il y en a un bon, comme Mario Kart, dernièrement que j'ai acheté, il était très bon. Mais après 3 jours, j'avais tout débloqué, puis aucun but dans le jeu. Puis là, il paraît qu'il y a du DLC qui va sortir, c'est genre une Mercedes. En 2015. De Mario Kart? Il y a deux DLC, un en novembre 2014, supposément, puis un en 2015. Genre. Mais c'est comme, tu me garderas pas dedans jusqu'à là. Désolé, mais tu m'as perdu après 3 jours. j'ai pas le goût de battre des time trials ou de jouer avec du monde en ligne que je suis pas capable de parler avec à cause qu'ils ont pas de style micro ou d'affaires comme faux. Ok, oui, tu peux parler d'une grosse manette d'iPad là, que le monde va dire là. Mm-hmm. Ça va mal. Et excuse-moi, c'est pas un petit casque comme au PlayStation ou au Xbox ou même un ordi ou peu importe. Peut-être tu peux en acheter à part, mais pourquoi? Toutes les autres noms ont un gratis. Puis j'étais en train de me dire comme ils vont faire des amiibo. Fuck off. C'est pas en train de me gagner pantoute des petites figurines à 15$ de Mario Bros. Le concept il est cool, l'amiibo. Le concept il est copié sur toutes les autres affaires qu'on a vues. C'est un père, hein, lui. C'est copié sur l'autre Disney Infinity qui a copié sur. Ben, c'est quoi Skylanders? Je cherchais le nom. Tu dis c'est copié. C'est la même. C'est une figurine que tu mets sur une plaquette puis ça te donne des skills ou ça garde tes mémoires. C'est copié. Ah, mais ça vient pas dire le contraire. Ça peut être. C'est inspiré, c'est un Toys to Life, mais ce qui est intéressant dans Super Smash, puis il y a une feature que je trouve cool, c'est que ton personnage n'est pas nécessairement celui que tu veux utiliser. Oui, c'est vrai. Ça devient ton rival. C'est un special fait move. Il apprend, pas juste un special move, c'est que le bonhomme, tu joues, mettons, contre ton amiibo, puis lui, il emmagasine les moves que tu fais. Mettons, si tu fais tout le temps un high punch après telle affaire, mais c'est un practice personnalisé. Puis après ça, un moment donné, tu peux juste arriver chez quelqu'un, puis ça, c'est une feature, une fonctionnalité que je trouvais cool. Tu fais juste comme, hey man, t'es tellement poche que même mon amiibo pourrait être Chrisson Rince. Ouais! Puis là, tu droppes l'amiibo, puis tu peux le faire Chrisson Rince. Puis ça vaut la peine, ça, de sortir une collection complète de ce bonhomme que ça, tout le monde pour va un acheter. Gars, pour un petit affaire. Pour un gars dans ses trentaines, non. Moi, ben. Ouais, je suis d'accord. Je trouve. Non, mais je parle, je suis pas en train de me gagner, tu sais. Puis tout ce qui s'en vient, je suis en train de checker, là. J'ai beau essayer de me forcer, là. Yoshi Yarn ou je sais pas Kirby Yarn, je me suis dit c'est quel qui s'en vient. Tu penses-tu que t'es plus le public cible? Peut-être, mais je m'en ai rendu compte. C'est ça que je veux dire. Il sonne comme Yannick Bellil qui bitch sur TNMT. C'est ça. Non, mais. C'était bien le fun quand je t'ai quitté, Master. Je veux pas bitcher là-dessus. C'est, je m'en ai rendu compte que ça vaut plus la peine que je m'ajette le Mario ou que j'essaye le Zelda. Je vais le faire. Je vais l'aimer. Le jeu de Nintendo à tous les 9 mois qui va sortir. Je vais l'aimer pendant 3 jours. Ok, mais Zelda, peut-être une semaine. Pour moi, ça a toujours été la console mais secondaire. Là. Moi, ça a tout été. Ça m'a parti quand je suis petit. J'ai toujours eu toutes les Nintendo. Je les ai encore toutes. Là. J'ai ma 3DS, puis j'ai mon Wii U, puis mes kids, ils jouent de temps en temps avec. Mais je vois plus l'intérêt tant que ça de la console. Là, il y a tout le monde qui va dire, mais il y a Bayonetta. Non, il n'y a pas Bayonetta. Oui, il va l'avoir, mais je veux dire, non, ça, c'est pas. Fait que c'était-tu les nouvelles ou les runs qu'on faisait? Non, c'était mon actualité parce que je m'ai brisé. You wanna know what grinds my gear? C'est juste ça. C'était ça mon actualité. C'est que je m'ai rendu compte que Nintendo, c'est peut-être plus pour moi. Puis j'arrête de me mentir moi-même. J'arrête d'essayer de me convaincre. Oui, ma 3DS, je vais avoir un bon jeu de temps en temps, peut-être un bon RPG que je vais sortir ou quelque chose peut-être qui vaut plus la peine. Puis oui, Super Smash Bros, il était carrément pour un Super Smash Bros. Mais moi, Super Smash Bros, c'est avec des chums dans le même salon. D'accord. Fait que peut-être sa Wii U, je vais le pogner avec mes kids ou quelque chose de même. C'est parce que c'est pas le genre de jeu que tu joues comme un autiste hyperactif avant de te coucher. Exactement. Non. Puis sinon, tu dors pas. Puis en même temps, le monde ne vient pas assez souvent chez nous pour que ça vaut la peine de dropper 70$ dessus pour que, hey, peut-être qu'un moment donné, tout le monde va être chez nous puis on va avoir le temps de jouer 4-5 avec la Wii U, des fois avec la grosse manette, là, autour d'une bière puis de tout le monde se fait du fun. Si ça arrive une fois 2 ans, ça va être beau à Star, tu sais. Au pire, on va jouer à d'autres choses. Tu viens de me donner le goût de canceller mes commandes. Mais, non, mais excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Non, je suis vraiment c'est d'accord. C'est niaiseux, mais je me dis, si je rejoue, exemple, à GTA 5 qui va ressortir au Xbox, je vais jouer probablement plus longtemps en nombre de jours qu'avec Super Smash Bros. Ou de quoi de même, parce qu'après 3 jours, je vais avoir fini le jeu avec tous les personnages. Puis là, je vais juste attendre que mes chums viennent, mais je vais tellement leur Chrisson Rince, parce que moi, j'ai joué comme un enragé, puis eux autres, exactement. C'est la première fois qu'ils jouent. Challenge est plus là. Il n'y a plus de fun, il n'y a plus rien que. That's it. Ça me brise le cœur. Mais vidé, là. Ouais, ben, à vous autres, en tout cas, je vais le dire à d'autres mondes qui n'écoutent pas le podcast. Merci de ce partage, Joe. Comment? Je pense merci du partage. Je pense que la première étape, c'est de l'avouer. Ouais, mais je me l'ai avoué moi-même, puis je m'en ai rendu compte en me disant comme j'ai pas l'argent nécessairement cet ancien pour dropper sur n'importe quoi. Peut-être que je vais l'acheter un moment donné. Genre à 40$ qui dépend. En Nintendo classique, man, quand il tombe à 29. OP, genre quelque chose de même. Il y a des jeux Nintendo qui tombent à qui man, c'est moins cher. En fait, toutes les compagnies, là, pis ça, c'est une affaire. Là. News. Man, c'est ça. Je peux-tu juste embarquer avec une affaire? Parce que moi aussi, je vais faire un coming out. Ça fait 10 ans que je travaille dans l'industrie du divertissement, puis du jeu vidéo, puis du cinéma, puis tout le kit. Puis honnêtement, à Star, là, il y a deux affaires que je vais payer plein prix. Le cinéma, pour aller voir un film que j'ai vraiment envie de le voir, puis je vais aller le dropper le cash, puis je vais le voir au cinéma, pour l'expérience. Puis les jeux vidéo à Star, là, c'est con à dire, mais si j'ai pas rien à trader pour pouvoir faire baisser mon prix, je vais attendre en tabarnak qu'il droppe à 39 ou à 29. Parce que, newsflash, là, la seule affaire que j'ai de la misère avec un jeu qui vient de sortir, c'est d'éviter les caves qui vont me le spoiler. Ouais. Ouais. Parce que moi, je suis un gars qui va jouer pour l'histoire. Fait que, tu sais, mettons, la seule raison pourquoi je vais payer un Mass Effect le plein prix, c'est que je veux pas que quelqu'un me le scrape. Ouais, mais Destiny, là, c'est ça qu'on parlait, c'est un too human. Ouais. Personne... Il n'y a pas d'histoire dans Destiny. Tout le monde sait avec qui. On va se dire une affaire, là. Premièrement, je m'adresse à la seule personne qui prétend connaître l'histoire de Destiny. Fuck off, t'es plein de merde. T'es plein de merde. Il n'y a pas d'histoire. Tu peux pas connaître l'histoire. Moi, j'ai vu la cinématique. On commence, on embarque non, on n'embarque pas, là. Je veux juste dire, ben vite, j'ai vu la cinématique du gars avec le toupette weird, là, pis la face pâle, là. Ouais, ouais. Tout le monde sait de quoi je parle, là. Qui vole une boule, là, ou je sais pas quoi, qui assort, pis qui a. Attends, non, non, parle pas, parle-en pas, parce que tu vas partir. Juste dire, je l'ai vu au moins 5-6 fois. Pis j'ai jamais compris qu'est-ce qu'il fait. Il sort la boule pis il dit, oh, non, mais moi, la seule raison pourquoi je dis ça, là, c'est que, tu sais, regarde, écoute, là, je joue à Destiny pour l'expérience parce que tout le monde joue dessus. Pis il y a une affaire que j'ai remarqué, ok. Il y a plusieurs cultures de jeux vidéo. Il y a le rétro gaming où le monde croit que c'est encore possible de jouer dans le même salon avec plusieurs manettes pis d'avoir du fun sans s'engueuler. Ça, c'est correct. T'as le monde qui joue sur PC, que pour eux autres, c'est le fun de se vanter de dire qu'ils ont payé le jeu comme 99 cents sur un Steam Sale, puis de jouer avec. Puis t'as le monde de la console où, cette semaine, c'est comme « Ah, oh, si tu t'as pas Call of Duty, t'es poche, man, t'as pas mal qu'on joue tout à ça, puis là, tu vas t'acheter Call of Duty, puis c'est comme « Hey, ouais, man, si tu fuck off Call of Duty, on joue pas à ça, on joue à Battlefield à ce temps. Fuck, je viens de l'acheter, man, je viens de l'appeler 70$. » Fait que, tu sais, je suis plus capable de payer cher pour mes jeux. Faut que je trade ou faut que j'attende? Faut que tu sois à jour pis que tu trades tout de suite le jeu au prochain jeu. Comme moi, là, Mike Fred, ouais. Destiny, là, il est bien fun. On joue avec Guillaume, comme BQC, une petite plug pour son, nice. Son nom de gamer tag. Mais on joue, là, pis c'est bien fun, là. L'expérience est là parce qu'il y a du monde là. Quand on va dans la ville, là, le tower ou je sais pas quoi, là, que ça s'appelle. Il y a zéro interaction. Ben, il y a zéro interaction à part danser à côté de quelqu'un, là. Ça, ben, c'est ma plus grosse déception. Ouais, c'est ça. Moi, vraiment. De quoi qu'il y a pas de... Ok, je pensais que c'était un j'étais là, ben, moi, non, on dansait. Puis quand on jouait, quand on avait joué ensemble, on a fait. Non, c'est pas avec toi, c'était quelqu'un d'autre. La première fois que j'ai dit, c'était que je voulais, comme, marcher à l'entour du gars dans le Cosmodrome, puis aller, fuck you, t'es laid. Je pouvais pas. Tu peux rien faire. Non, c'est ça, tu peux pas, comme, inviter du monde à join to party. Tu peux les inviter au party. Ouais, mais il y a personne qui. Personne qui veut te joindre. Non, c'est ça, il y a personne. Ben, donc, ce que je voulais dire, c'est. Je joue là, parce que le monde sont en ligne là. Je comprends même plus c'est qui la nouvelle. Là. C'est André. Il n'y en a plus de nouvelles, Eric. C'est le chaos, OK? C'est André, chaos. Techniquement. Je suis tout seul qui suis, là. Hey. Non, mais en tout cas, c'est bien le fun, là, mais c'est là qu'il faut jouer. Ouais. Dans 3 mois, ça sera plus le temps de jouer à Destiny. Là, ouais. Il va y avoir les DLC, les ship fights, ouais. Piu, piu, piu. Qui te promettent, là, c'est quoi? Il va y avoir des ship fights, c'est comme des heists dans GTA. Genre, pas, on va t'amener ça dans 7 ans. Ouais, plus de raids. Ils l'ont jamais mis, finalement? Ouais, mais non, ils l'ont jamais mis. Mais tu sais, que je veux dire, c'est le même jeu, puis c'est là, là qu'il faut jouer. Pareil, ceux qui vont pogner les DLC puis qui vont continuer à jouer dans 4 mois, là, c'est les hardcore. Puis là, tu vas arriver, puis tout le monde va être level 27 de chaque classe, chaque race possible, chaque arme. Tu sais, il va y avoir 20, 25 bonhommes, je sais pas combien tu penses élever, là, mais le maximum de bonhommes level 27. Tout le monde va être dans le tapis. Fait que si tu veux la bonne expérience, puis pas du monde qui savent exactement tout quoi faire, c'est là qu'il faut jouer. Là. Ça va être un genre de League of Legends dans 6 mois où genre. Tabarnak, est-ce que tu es noob? T'as pas tiré exactement sur l'œil gauche quand il virait vert? Exactement ça, pareil. Là. C'est, ça va être ça. Là. Ouais. Un World of Warcraft, t'es le nouveau, puis comme, ah, il fait de l'aggro, on le kick. Ah, ok, tu sais. Merci, Joe. Bienvenue. C'est mon expérience encore. Dans ton actualité. C'était weird, ça. Eric, toi, est-ce que c'est pas... T'as l'air surpris, ben, c'est parce que j'ai... confus. Ben, je m'attendais que ma nouvelle puisse être que j'ai joué à Destiny. Ah, moi aussi, c'était ma nouvelle. Ben, allez-y avec votre nouvelle de Destiny. Puis de un, je veux dire, le but de l'histoire... T'as chialé à la masse, ces deux, là. Mais l'histoire, peu importe comment vague et minimaliste qu'elle est, c'est juste comme but de setter l'univers. Là. C'est vraiment tout ce qui est. Ok, quand tu disais que tu connaissais l'histoire tantôt, c'était ça ton explication. Ben, je peux savoir c'est quoi l'histoire qui existe en ce moment ou. C'est comme parce l'histoire que le but, de Titanfall. Non, mais d'après moi, Non, wow, là, compare pas ça à l'histoire de Titanfall quand même. Non. Je veux dire, regarde, je suis d'accord que l'histoire est pas comme. Elle est présente, c'est pas de ma faute que t'es pas capable de. Non, mais d'après moi, l'histoire est pas finie en fait. Ça va continuer avec le DLC. C'est un peu ça. Le but, c'est de setter un environnement. Puis il y a un point A à point Z dans l'histoire du jeu que t'as payé pour. Mais le but, c'est que c'est un fucking Diablo à Halo. Là, c'est pas compliqué. Toi, tu dis Too Human. Mais Too Human, donc, c'est un Diablo. Okay, là, je veux c'est dire, Too Human, ok. Pourquoi? Non, mais Too Human, c'est déjà un Diablo. Il y a des références à de la mythologie. Tu comprends fuck all quelle de l'histoire. De mythologie? Mais tu te bats des wizards, puis des knights, puis des minotaurs. Non, mais... Song of Fire. Hey, je pensais que c'était, tu sais, moi, le médiéval, puis tout, j'arrive là, boum, un knight. Fait que les... Je suis comme dans une affaire sci-fi, faut que je tire des knights, puis des minotaurs. Tu vas t'en remettre, là. Man, t'as hate sur Nintendo aujourd'hui, t'as hate sur Destiny. C'est pas du hate, c'est un crève-cœur. Fait que Destiny, dans le fond, t'aimes ça. Moi, j'adore Destiny, mais je suis un fan du grind. Ouais. J'adore grinder de tous les sens. Moi aussi, gars. Mais en même temps, j'adore jouer des jeux où je grind. du gear. Excuse. Mais je veux dire, je joue à World of Warcraft, je joue à des MMO beaucoup. Diablo, je veux dire, j'adore ça. Je joue encore, depuis que j'ai joué Xbox One, je joue en Christ. Mais c'est super le fun, Destiny. Ben, c'est ça. Moi, j'aime ça. C'est ça, en gang, c'est super. Mais en gang, là, je veux dire, moi, je suis capable de farmer tout seul. Là. Je sais pas si t'as de la misère à tuer des bosses, c'est pour ça que t'aimes pas ça. Non. Là, ou... non, c'est parce que c'est plus le fun de jouer du monde. Non, c'est ça. Tu jases, puis tu sors de tirer. Je joue Minecraft au Xbox One. Mais c'est la même chose, non? Ben, mais admettons qu'on close le sujet Destiny. Qu'est-ce que tu voulais dire sur Destiny? Ben, j'ai pas eu la chance en fait. Ben, parce que ça, tout le monde est vraiment fru contre Destiny. Ben, non, moi, sauf moi. Moi j'aime ouais, ça. C'est ça. Moi j'aime ça. Je comprends juste pas l'histoire, mais j'adore ça. Ben, moi l'histoire, comme je te dis, l'histoire quand même. Si vous voulez, je peux vous expliquer l'histoire. Parce qu'on est rendu là, ce que tout le monde dit qu'il existe pas, là, mais il y a quand même une histoire. Fait que t'as un Guardian qui se fait réveiller, un de plusieurs en fait. Spoil pas par exemple. Ben, je veux dire, t'es un fucking Guardian. T'es un Nephilim, Takaya. C'est toi qui existe. Quand il dit un Guardian qui se fait réveiller, c'est toi qui create ton character. Ouais. Mais il y en a plein. Mais il y en a plein. Puis il y en a plein qui se font réveiller. C'est un petit peu ça le concept aussi. Puis tu te fais prendre. T'es dans un monde futuriste. J'adore le fait que t'es vraiment comme. Il y a un moment où tu atterris sur une planète en particulier, je vais pas le dire, mais j'aime que tu aies des ruines dessus cette planète-là qui disent que c'est des milliards d'années avant même l'humanité. Ça, je trouve ça écœurant. Puis l'histoire, je la compare un peu à Gears of War. Si on a tous joué à Gears of War la première fois, je m'excuse, là, mais l'histoire, c'était un dude qui se fait sortir de la prison, puis il va tuer une petite grosse bébite à la fin. Mais à part de ça, le reste, joueur c'est... de foot. C'est ça. Mais à part de ça, l'histoire était quand même assez vague aussi, là. Je m'excuse, là. C'est le même genre de vague. Mais c'est pas vague, c'est juste comme hyper c'est basic comme mais c'est, histoire. Mais c'est un sci-fi aussi à la Bungie. Ouais, donc, non, c'est ça. Ça ne cachera pas, là. Mais en même temps, je pense... Il y a plusieurs factions, il y a... Ouais, mais en fait, c'est pas qu'il n'y a pas d'histoire, mais je trouve que... Ah, ok, fait qu'il y en a une. Non, mais attends, merci. Non, mais il y a une histoire. Fou, man. Mais la seule affaire. Ok, regarde, je vais le dire parce que je pense que je viens de mettre le doigt dessus. Pour moi, il n'y a pas de raison de m'intéresser à l'histoire. Le jeu est fait que. Exactement. Il y a de quoi, mais je m'en calisse. Tu sais, j'aurais. Ben, honnêtement. Mais c'est ton choix parce de Gears of War, ou non, puis c'est avec ton parallèle. Gears of War, je m'intéressais à l'histoire. Mais t'avais pas le choix, t'étais spoon fait ben, de cette affaire-là, ben, t'avais pas le choix de Destiny, c'est parce que tu sais, ils parlent de thème, puis là, c'est. Non, mais si Destiny serait spoon fait comme Gears of War, l'histoire. Gears of War. T'aurais fini en dedans de 8 heures, je te dirais si c'était court comme histoire. Pas nécessairement. Parce que qu'est-ce qui arrive dans Destiny, c'est que tu suis l'histoire un peu, puis là, t'es comme, ah, ok, je pense, je sais qu'est-ce que je fais. En passant, je vais aller checker c'est quoi cette patrol-là, c'est quoi cette. c'est quoi ce donjon là, c'est quoi, comme je vais aller me promener, t'as comme moi, là, je, là, je, là tu, je, pas de tu te promènes un peu à l'entour. Non plus, moi, non, je sais, il y a une flèche blanche qui dit d'aller ça, là. Va là, joue. Fait que t'as fait aucun patrol ou j'ai fait les patrols, j'ai fait 10 missions dans le patrol, puis à un moment donné c'est la même qui recommence, puis tu fais comme ok, je pense que j'ai tout fait là. Mais c'est ça, mais c'est ça. Fait qu'Éric, dans le fond, Destiny, on l'achète ou on l'achète pas? Ah, mais tu la jettes. Tu la jettes. Mais si t'aimes pas Diablo, excuse-moi, là, t'aimerais pas ce jeu-là. Ouais, Border, c'est Borderlands, okay, Diablo. Si tu t'attendais à, je sais pas, une genre de préconception que tu t'es créé par toi-même, basée sur des affaires que toi-même t'as décidé qui était, qu'est-ce que Bungie disait que le jeu était pour être, ben tu vas être déçu parce que tu ouais, ça là, tu, le truc que j'étais déçu, c'est qu'il disait Witcher que ça allait être la grosse exploration, tu peux aller partout n'importe où, oui les maps sont grosses mais tu peux pas aller partout, ouais, quand même, puis l'exploration est pas vraiment là, c'est... Mais t'as-tu cherché pour les chests? J'ai cherché pour les chests puis ils sont rares en... ouais, mais tu cherches, ouais, les gens de jump un peu weird, c'est tous mes amis qui me disent ah, y'en a un site, check, puis eux autres sont comme mais oui, tu la jettes ghost, tu sais, des crises de fou qui travaillent au microblé, moi je trouve juste des dead ghosts. Ah, c'est triste. T'sais, j'arrive à chaque fois, puis c'est comme Dead Ghost, puis je fais comme je le raise, puis ça fait rien. Ça donne juste une carte, genre. Ah ouais? Un grimoire. Parce que ça fait quoi, une carte? Tu peux downloader en fait l'application. Oui, aussi. Tu peux downloader l'application de Destiny, puis tu peux aller lire. L'application de Destiny, la seule affaire que ça fait, c'est que ça me dit que quelqu'un s'est joint au groupe Geek Collectif le podcast, sauf que je peux pas accepter ou refuser, je peux pas écrire. Ça dit juste comme. There was an error connecting. Puis, ouais, c'est une application. Ok, ouais. Puis aussi, ça fait André m'envoyer des messages que je vois pas. Avoue, hein, tu viens de pouvoir joiner, ça fait une semaine, j'ai créé le groupe. Allez joiner. Je connecte. C'est parce que j'essayais de joiner à travers de la app. C'est ça, mais puis ça marche pas. Finalement, mon ordinateur était tout serré, puisqu'on a tout repeinturé l'appart. Puis quand j'ai embarqué sur mon ordinateur, j'étais allé sur... Tu l'as trouvé one shot. J'étais comme, ah, OK, ça marche bien, mais dans la app, là, c'était du n'importe quoi. Mais oui. Tu sais, comme l'app de Destiny, là, moi, je l'ai juste downloadé pour aller voir mon gear quand j'ai fini ma game, puis je suis contente. Je me couche, puis je regarde mon Guardian, puis je suis comme, ah, il est beau. Puis voilà, payé, c'est vraiment juste pour ça. Là. J'ai payé plein prix aussi pour le jeu. Je veux dire, j'ai sauvé 10$ à cause d'un escompte d'employé, mais... C'est correct. Mais à date, comme je te dis, tu parlais des films tantôt, là, j'ai mon rapport qualité-prix. Un film, ça te coûte quoi? 10-15$ pour 2 heures, 2 heures et demie. Des fois, c'était chanceux. J'ai pogné ce ratio-là, puis plus à date avec Destiny. Fait qu'au moins, moi, quelqu'un jeu, il me dure, il me coûte 1$ là. Je suis oversatisfait, là, c'est sûr. Puis, là, Marie, tu sais, bon, c'est ouais, tu disais que tu voulais parler de Destiny, toi, avec. T'as-tu quelque chose à rajouter? Pas mal, non, moi, je suis vraiment contente avec le jeu. Je m'attendais... C'est ça, il y a des trucs comme l'exploration, comme je disais, c'est pas assez. Tu sais, ils ont mis du RPG, mais pas assez. Tu sais, moi, je suis comme toi un peu Diablo. Moi, c'est Dark Souls que je joue, des grosses affaires comme ça. Fait qu'il manque encore du RPG, mais je pense que c'était pour aller chercher plus une masse, tu sais, une masse plus grande de la population. Ouf. C'est tough, mais c'est tellement... Moi, j'ai une chose à dire sur Dark Souls, puis c'est mon chum Matt Bennett qui me dit... Quand j'étais rendu à ma... Il n'aimait pas jouer en ligne à Dark Souls, ouais. Parce que quand il était rendu à sa, genre, 398e flèche sur 450 à tuer sur un fucking boss, il se faisait fucking ganker par quelqu'un qui embarquait dans le jeu. Vrai. Puis dans ma tête, je me disais, ça, c'est le problème du jeu. 400 mais en tout cas, le 2, Mais tu peux-tu revader? Hein? Non, c'est parce que le but de Dark Souls, je m'excuse, on dérape sur Dark Souls 2 secondes, mais le mode en ligne là, a tellement comme de potentiel, c'est juste qu'il peut être tellement chiant en même temps. Mais le puis jeu est chiant. C'est ça. Mais c'est parce que le jeu, il est déjà chiant. Ouais. Puis là, From Software, ils ont décidé d'ajouter un mode en ligne qui sont comme, ouais, tu penses te figurer le jeu, mais pendant que t'es en ligne, ben on va faire sûr qu'un humain random te fait chier encore plus. Ouais. C'est, ça fait toute partie du design. C'est là, un peu c'est, trop. Ok, mais ouais, je te coupe, continue. Mais moi, je m'en rappelle plus un peu. Ben, c'est ça, le Destiny. Le RPG, c'est ça, exactement. C'est pas, tu sais, je pense qu'ils ont fait un bon mélange entre les deux, justement pour aller chercher la masse des first person. Puis, mais moi, en gros, j'ai vraiment aimé. Puis je te dirais que j'ai jamais acheté de DLC, mais je pense pas mal acheter celle-là. Ouais. Mais c'est une balance compliquée à essayer de balancer ça, oui, par exemple RPG, first person, c'est vraiment deux mondes complètement fait différents, chapeau là. Juste pour l'essai là, puis je pense ouais. Que c'est, on a, je pense qu'il a pu faire bien pire. C'est un méchant bon début, ça c'est sûr. Ouais. Imagine dans mais deux, trois ans qu'il va l'avoir vendu par ce temps-là. Il y a aussi des points négatifs sur le jeu. Mais là, pas ce jeu-là, d'autres jeux dans deux, trois ans. Christian, t'es calme. Très calme. Ouais, il a pas joué à Destiny. Non, j'ai acheté. Bel emballage. Très bel emballage. J'ai encore emballé chez nous. Christian, j'ai pas eu le temps. Pour l'emballage tout le temps. Hein? Ouais. Il achète les boîtes. Juste là, toi, Chris, ton actualité cette semaine, t'as-tu fait de quoi de spécial? T'as-tu promené un peu? T'as-tu regardé de quoi? À part travailler, à part mon char qui a lâché, à part prendre le boss, j'ai été manger du Peking duck pour la première fois la semaine passée. Ah, des canards oranges, ça, là? Canard laqué. Canard laqué. C'est à la maison Fulham. Sur, c'est pas un buffet, ça? Non, pas Fulham. Non, c'est F-U-O, okay. Pas F-U. C'est bon. Ouais. Fou. Sur l'Acadie, je suis allé avec monsieur ici, André. Oh. Et ben, en fait, c'est mon ami Racco qui nous a donné le spot, qui est venu avec nous. Puis c'était quand même assez dope. Comme, Racco, c'était la troisième fois en une semaine qu'il allait manger du canard laqué. Fait qu'il est bon, le doc. Là. Ah, il est très bon. Toi, t'étais pas mal bon. Je suis surpris. Parce canard laqué, c'est quand il tue à coup de barre de fer. Ça, c'est du canard triqué. Ah! Je mélange les deux tout le temps. Non, non, mais c'est quoi la... C'est une recette, la particularité fond, et... qui... Un peu un canard crispy. Là. Il vient avec une sauce oisin, un peu. Ouais. Tu manges ça dans une petite feuille... Ça sent bon. Feuille de riz, c'était malade. C'était super bon. Un indicateur de performance de la maison Fulham au niveau bouffe authentique, les seules personnes qui n'étaient pas asiatiques dans la place, c'était nous autres. Ouais. Il était un bon signe, ça. 25 ouais. En ligue en arrière du comptoir puis il attendait comme pour amener de quoi ou j'étais dans une place à il parlait pas vraiment français. T'avais un gars qui parlait français puis c'était débit ou crédit puis voulez-vous emporter les restes. C'était, ça arrêtait à ça. Puis honnêtement, je dis pas ça pour être désagréable, rien. La bouffe était malade. Sauf que tu regardes le décor, ils font jouer genre télé CNN chinois. Non, mais les meilleurs restos, c'est toujours ceux qui ont la louche, justement. Les meilleurs restos, là. Comme les restaurants indiens, là. My God. J'ai le goût d'aller au Château de la Lune, là. Ça, c'est juste louche. C'est bon, fait, ouais. Fait que maintenant, qu'Oscar a fini de boire. Les doigts d'or, là. Le poulet, je sais pas quoi, là. Ah, t'es calme. Mais ouais, Peking Duck. Ouais. Peking Duck, ouais. Excellent. C'est où exactement? C'est en haut du Cora sur l'Acadie. C'est vraiment en face du marché central. Okay. L'autre bord de la rue. C'est à côté d'une Sharks Billard ou quelque chose de même. Ouais, quand tu montes en haut, il y a le billard l'autre bord du restaurant. T'es pas sûr si tu rentres dans un restaurant, en fait. Puis même rendu assis dans le restaurant, t'es pas sûr si t'es dans un restaurant. Une chance sur deux de te faire voler. Super. Genre, les lumières sont toutes allumées, là. Il brûle quasiment les yeux. Mais la bouffe est malade pis ça coûte pas cher. Alright. Moi, l'actualité cette semaine, c'est bien fade, mais je suis rendu sur PSN. Ouais, c'est vrai. Je suis rendu, j'ai pogné un PS4, j'ai eu une lock d'en pogner un used à un très bon prix. Je me suis procuré ça, Destiny. Oh, ça me manque quoi, personne l'a revendu. Hein? C'est pas grave, t'sais, j'avais le choix entre ça ou un Xbox, puis ben le prix était meilleur d'un bord. Fait que... On jase, là, mais moi et Milton, on joue à Destiny. Chris, tu joues-tu à Destiny? Non, c'est pas grave, écoute. Regarde, j'ai même pas joué à Watch Dogs encore. J'ai joué, genre, peut-être une heure. Ouais, Watch Dogs, ça, c'est... Mais c'est le fun, j'ai joué avec une couple de personnes, des tripeux du collectif, puis Destiny est bien le fun, puis honnêtement. Premièrement, ajoutez-moi sur PSN, c'est Uzumaki QC. Je veux jouer avec vous autres, c'est cool. J'ai The Last of Us HD. C'est en un mot, Uzumaki, okay. UZUMAKIQC. C'est le même nom sur Instagram, sur Twitter, partout. Fait que dans le fond, vous pouvez me trouver facilement avec ça. Mais non, je trippe Destiny, même si je me fous un peu de l'histoire. Je joue à ça en masse. Je me suis pogné un headset Moi, j'ai vu il y a ce headset-là. J'ai resté surpris pour 100$. Ça émule du 7.1. Le son est super bon. Le micro est intégré. Fait que t'as pas, tu sais, la tige téléphonique qui a de l'air folle qui te sort en face. c'est cool. Honnêtement, j'aime ça, moi, la tige. Je sais pas. Ben, j'étais habitué c'est à même, tu sais, t'as placé, c'était le fun. Ouais. Mais ça on dirait que c'est au téléphone chez Balcadon. Il est stylish, là. Il me surprend Sony parce qu'avant, j'étais quand même Microsoft. J'étais avec Xbox longtemps. Puis la simplicité de la console a genre des jeux. Puis c'est aussi simple que ça. C'est une console que tu mets le jeu dedans, ça prend 30 secondes, il part, tu joues, puis that's it. Puis c'est le fun. Pas de liaisage, tu y parles pas. C'est ça. Tu joues. Tu parles pas, tu joues, puis that's it. Puis honnêtement, c'est super le fun. Mais c'est fait tellement que, une bonne option, se parler. Ça ressemble. Un trip de Naruto, j'imagine, en fait, Oui, t'as pas l'allumé aussi non plus à chaque fois que tu vas écouter la TV. Non, ouais. Ben c'est ça. Ah, mais t'es pas obligé de plugger, là. Quelle horreur! Mais là, ça part pas en débat de console. C'était tout simplement pour dire que ouais, je suis rendu sur PSN, on peut jouer. Mais Milton, il a bâché la Nintendo pendant 25 minutes. C'est pour ça. Notre quota de hate de console de jeux vidéo est correct. Ça me crève le cœur. Ah. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une courte pause de 2 minutes. Puis ensuite, on va parler des choses sérieuses. On va parler de Comic-Con 2014 parce qu'on a bien du stock à dire là-dessus. Yeah. Donc, de retour dans 2 minutes. Ah, fins opportunistes que nous sommes, c'est le temps de parler de choses sérieuses. Dans ce subtil appel à l'émotion, on va tenter de vous rappeler le bon vieux temps. Celui où les gens ils se regroupaient ensemble, physiquement, au même endroit. Pas d'Xbox Live ou de PSN, mais toi, là. Toi pis tes chums. Une table, 4 chaises, peut-être 3, ou peut-être plus même, mais l'important c'est que c'était des bons moments. Ben ces bons moments-là, tu peux les revivre. Combler l'ennui de ta table en allant consulter lepionnoir.com, la destination officielle du collectif pour nos besoins ludiques. Plus de 500 titres en français, en passant de Catan à Android Netrunner. Autant de titres que de goût, et le tout en français. Utilise le code RZO Web, puis laisse le Pion Noir t'offrir 5% de rabais sur ta commande. Le Pion Noir, l'architecte de ta ludothèque. Toi, dans le fond, tu dis, je m'en vais en podcast, j'amène le plus... Tu sais, c'est quoi, la prochaine chose, tu parles avec un gazou puis une crécelle? Plus de bruit possible. Vous buvez en crise, vous autres, lol. Ben... Qui dit ça? T'as-tu écouté notre épisode avec 3 bières? T'as moi, j'ai dit ça de même. T'as rien vu. L'épisode s'appelle 3 bières et plus. En fait, si tu veux vraiment te surprendre, écoute leur épisode, qui était la fin, puis ensuite, écoute notre épisode, puis tu vas voir la progression vers l'épisode de 3 bières. Ce qui est un peu... Ils sont sortis à l'envers, mais... Ouais. Ah, écoute, j'ai pas le temps d'éditer, c'était dégueulasse. Ouais. C'est qui le premier qui fait une joke de pète? Je sais pas, il y a quelque chose qui craint qu'elle les perde. Nous sommes de retour! T'as-tu enregistré? Oh, ouais, c'est enregistré, t'as été correct. On t'a même enregistré en train de roter tantôt puis d'essayer de blame Marie. Ouais. C'est pas moi, c'est toi? C'est pas moi. Moi, je rate jamais d'un micro. Là, je refais le tour de 47 autres épisodes pour me rappeler si c'est arrivé. Donc, épisode 48 du collectif. On parle de Montreal Comic Con 2014. Premièrement, cette année. Là, je veux qu'on y aille par segment. Là. On en avait discuté un peu d'avance. D'habitude, Marie, je t'explique. On fait la couverture médiatique du Comic Con depuis déjà quelques années. On va à Ottawa, j'en fait Montréal. Une coupe, ouais, j'ai écouté cool. Une coupe, c'est, c'était bien. Ben oui, c'était super. Ben cool. C'est mais récapitulation bon. De Soulon qui parle de leur expérience. C'est toujours le fun. Mais non, mais on s'entend que écouter un épisode du collectif de Comic Con, c'est comme jaser avec tes chums après y être allé de ce que t'as aimé, ce que t'as moins aimé. Mais tu peux rien dire. Mais tu peux rien dire. T'écoutes. Fait que c'est comme ton chum d'enfance qui te laisse jamais en placer une. C'est ça. Sauf qu'on est 4 et 5. Ouais. Mais en gros, cette année, vos impressions générales, ça a été quoi? Premièrement, il y avait des têtes d'affiches quand même assez intéressantes. On avait la réunion de Star Trek The Next Generation. Très cool, en passant. Qui était quand même excellente. Il y avait des gens de Walking Dead, Norman Reedus qui étaient là. On avait Lawrence Gillard Jr., la fille dont j'ai oublié le nom et que je vais retrouver sous peu. On avait... Verda Baby. Comment? C'est ça que tu veux? Oh! Christian, là, c'est... De qui tu es? Ok, tu viens de parler de la fille d'Exemple Peach, toi, là. Ouais. Ah, le cuistre. Mais non, on avait quand même pas mal de monde. Hulk Hogan, Stephen Amell, qui était là aussi. George A. Romero. George A. Romero. Et le dude qui jouait dans Dawn of the Dead, qui est... Fury. Oui. Le Black, oui, c'est ça, effectivement. Le deuxième Black de Walker, ouais, Dawn of the Dead. Mais Fury, mais son prénom, j'ai oublié. On avait une conférence avec Tracy Lords. Kevin Fury, je pense que c'est ouais, ça. Je pense pas ça. Il y avait les Power Rangers qui étaient là, que Olivier Lucier de la zone technoculturelle était allé voir. Il y en avait 3. On avait LeVar Burton, Michael Dorn. On avait Billy Boyd, Marina Sirtis, Gates McFadden, Denise Crosby. Gates McFadden, c'est Dr. Crusher. Julian Sands, Julie Benz, qui joue dans Defiance et qui jouait dans Dexter. Power Rangers, il y avait Yost Jones St. John. Il n'avait pas Doctor Who. Doctor Who n'était pas là, malheureusement. Plein de monde. On va pouvoir en parler un peu plus tard. Sir Patrick Stewart, qu'il faut l'appeler absolument Sir. Carl Weathers, Eric. Et non, il jouait Carl Weathers. Apollo Creed. Ne pas confondre avec Predator. L'autre là. Danny Glover. Non, Billy Dee Williams. Billy Dee Williams. Carl Weathers, j'ai vu un gars, pis c'était super malaisant. Il était comme, oh ouais, ce gars-là, il était vraiment malade dans Star Wars. Nope. J'ai failli me faire un t-shirt, un film. J'ai oublié le nom, mais c'était Billy Dee Williams, pis Carl Weathers, les deux ensemble. Pis sa pochette, pis t'as de la misère à savoir qui. On avait Trisha Heffer, Katie Sackhoff. Danny fucking Glover, man. Qu'on a. Ben, on... Que t'as pu crier après, ouais. Puis qui a arrêté, puis qui t'a regardé avec. On a eu un eye contact avec Danny Glover qui faisait son shopping. Je pense que Danny Glover a plus eu peur de toi, à l'intensité de ta mais voix, quand mon tu gars, cries, man. Quand tu cries, you ain't too old for this shit. Il a arrêté, puis il a figé. Tu sais, comme quand tu fais peur à un écureuil, là, puis qu'il fixe. Ça ressemblait à ça, t'sais. You ain't too old for this shit. Stephen Amell, il y avait American Mary, Catherine Isabelle, Soska Twins, je sais même pas c'est des, quoi. Des affaires de casque. Nightmare 30th, Robert Englund, Amanda Weiss, Heather Langenkamp, Jonathan Frakes, Brent Spinner, John Delancey. On avait Emily Kinney, qui joue dans Walking Dead également, c'est celle que je cherchais. Ouais, Carl Urban, qu'on avait vu à Ottawa. Jorge Romero, Ken Forey. Colin Baker, Osric Chow qui joue le Chinese dans Supernatural et qui a fait également une vidéo sur Akira qu'on a vu circuler, c'était viral il y a pas longtemps, un genre de live action d'Akira Project qui était quand Akira. Même assez cool, Project Akira. J'avais vu, c'était là, puis je l'ai su dimanche à 4h50. Et sa conférence est à 16h15, donc... Après. Mais il y a eu beaucoup de conférences cette année. Moi, j'aimerais ça savoir, par contre, quelle conférence vous êtes allé voir? C'était quoi votre feeling? C'était quoi vos coups de cœur cette année? Ben, tu demandes ça à qui? À tout le monde. Comme ça, là, c'est ben, une table ouverte. Là, non, mais la table ouverte, c'est les conférences. Vas-y, Eric. Moi, j'ai eu une fin de semaine, pour les ceux qui le savent, j'étais un petit peu décourté, puis il y avait plein d'affaires qui se passaient personnelles. Mais tout ça mis à part... je n'ai pas vu beaucoup de conférences, mais j'ai vu, je vois toujours les conférences de Jason DeLaRocca quand je vois là, il en fait un peu. C'est pas mal le dude derrière d'Execution Lab là, c'est un self-proclaimed indie game evangelist. Puis je suis allé voir une il est quand même écœurant pour... non mais faudrait que tu le vois parler, le gars il est vraiment c'est écœurant. C'est le self-proclaimed qui me fait rire. Non mais c'est moi je dis ça, peut-être il, ben, il l'est là, comme il dit même sur quand tu vas sur sa page, là, comme tu vois son bio, ça dit « The most connected person in games ». Fait que Eric est allé voir du gaming. Ouais, ben, pas tant que ça, parce qu'il n'y avait pas autant que l'année passée. L'année passée, on avait des vraiment cool de panneaux de EA. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de panneaux de EA cette année. Il y avait juste Sony. C'est ça, ben Sony était dessus le main floor, comme ouais. D'habitude. J'ai joué à The Order, c'est vraiment pas si hot que ça, mais whatever, ça c'est un mais The Order, le tableau qu'on c'est a beau, avec la pierrette, c'est super beau, mais c'est très générique. Ouais. C'est le Gears of War que Sony a tout le temps voulu avoir. En tout cas, j'ai joué un peu, l'histoire, mais j'étais pas vraiment intéressé. Anyway, à part de ça... C'est comme Destiny. Non, parce qu'il est intéressant l'histoire de Destiny. Ouais. Merci Milter, je t'ai lancé le lob. Histoire! Bon. mais Jason DeLaRocca, c'est le fun. Il a montré, genre, il a fait une conférence sur les 10 business practices in the indie development. Puis c'était comme inspiré de les pratiques de business, mais en indie. Puis il parle de beaucoup de différents développeurs puis leur approche à vendre les jeux. Puis je trouve ça hot. Là, c'est une approche de vendeur de business dans un environnement de indie qui est très weird, hein, parce que dans les indies, je veux dire, t'as pas vraiment. T'as souvent les créateurs, les programmeurs, sont pas nécessairement les gens les plus people person des fois. Puis dans l'indie, tu peux pas payer un PR guy nécessairement. Fait que comme tu sais, c'est vraiment intéressant de voir son approche là-dessus. Mais c'est ça, ben ça c'est sur le plancher, ça en plus. Là. Ça, c'est, je pense qu'on avait des différentes sections pour ça. Mais oui, en tout cas, lui c'était hot de le voir parler ses business et des affaires comme ça. Dans les autres conférences que j'ai vues qui étaient hot, je suis allé voir la conférence de Patrick Stewart. Que Sir Patrick Stewart. Sir Patrick Stewart. Avec moi. En passant, je sais pas si t'as appelé-tu des corrections sur Sir Patrick Stewart. C'est Sir Patrick ou Sir... Ouais, c'était Sir Patrick ou Sir Stewart. Non, mais c'est ça. Il y avait quelqu'un qui avait dit Sir Stewart, puis là, il l'a corrigé. Non, c'est, ouais, ben il a dit... Puis il dit, if you want to really say it... Anyway, c'était le fun de voir... tout, puis après, l'autre, il est arrivé, puis il a dit comme, good evening, Sir Patrick Stewart. Il a dit comme fou, puis il a dit, ah, tu l'as bien le nom, mais t'as pas le bout qui est 1h30 de l'après-midi puis pas le soir. Fait que là, il a pris genre 5 personnes en ligne. 12 dans le fond. Hein? Là, mais tu sais quoi? Ouais, c'est ça. Il y a l'approche William Shatner un peu à dealer avec les personnes. Quand il voit qu'ils sont inconfortables, ils s'amusent avec. C'est très drôle de voir. Ben, il y en a un qui était très inconfortable. Il y en avait une couple qui était assez inconfortable. Un il a quasiment pleuré. Ouais, ben lui, il servirait comme puis please don't laugh at me. Je pense que j'ai eu le meilleur breakdown de Comic-Con. Ok, j'ai hâte de l'entendre. Je vais compter ça tantôt. Mais c'est ça, j'ai vu Patrick Stewart. Qui a fini en plus, et je sais pas si on fait ça dans toutes les conférences, mais il avait fait les questions au premier puis les plugs à la fin. C'était-tu quelque chose qui était courant dans toutes les panels? Défini plug. Ben genre, tu sais comme par exemple là, on allait voir Billy Dee Williams là, puis il passe les premiers 2 minutes à parler de ses projets courants, puis après ça il pose des questions. Ouais. Mais Patrick Stewart c'était pas ça, il a pris les questions tout de suite puis il a dit ses projets courants à la fin. Je pense que ça, c'est différent d'un panel à l'autre parce que tu vois, moi j'ai vu Stephen Amell puis il n'a pas parlé pantoute de. Ok. Ben, c'est pas que dans Arrow un matin réveil. Mais mon expérience de Patrick Stewart, j'avais trouvé ça, c'était cool. Les lignes, c'était fucking dégueulasse. Sais pas c'est quoi qu'ils ont fait pour ce premier. Ça, je pense que c'était le premier gros panel. Il était mal organisé. Puis ils ont vraiment tout droppé la balle. Je sais pas comment. Je comprends rien. Pourtant, l'année passée, ça allait super bien. Mais celle-là, là, c'était très weird. Juste si on connaît, tu t'écoutes, tu vas au Comic-Con, tu sais comment est-ce que c'est. On est à 2e étage, jusqu'on rentre dans le main hall. Puis il y avait une. Comme tu sais, il y avait la ligne, les personnes qui attendaient en ligne en dedans d'une salle. Ouais. Ben, il y avait coupé ça en une moitié pour une raison. Je comprends pas pourquoi. Puis il y avait une ligne qui sortait du hall de la ligne d'attente. Qui faisait tout le long des couloirs, qui allait jusqu'au bout des couloirs, qui montait des escaliers, qui revenait deux bords. C'était vraiment là que Il y avait un weird, Chinese là. Dude avec un chandail jaune qui essayait de gérer tout ça. Pas payé, genre, qui était là comme puis ah par là, puis tout le monde le T'avais des deux lignes de coupé. Puis je m'en rappelle juste à un moment donné, les lignes commencent à bouger. Puis nous autres, on s'en allait vers puis, comme faut le mentionner, la femme d'Eric. C'est ça, elle dit fuck off, on coupe ça. Ben, c'est parce qu'à un moment donné. Puis elle nous a motivés à commettre un acte aussi comme impoli et avec un manque de classe incroyable, mais on a suivi parce qu'on était influencés. On n'avait pas le choix parce que si on l'aurait pas fait. On n'aurait pas eu de place. On n'aurait pas rentré, puis ils ont coupé la ligne. Il y avait des gens qui étaient en ligne jusqu'aux escaliers. Il y a du monde qui n'ont pas pu rentrer. Ben, ils ont rentré à la fin. Parce que là, comme c'était vraiment du n'importe quoi. Nous autres, une chance que la femme Eric était là pour nous convaincre de commettre. Mais c'est parce que la ligne à l'extérieur, sinon, elle s'est sectionnée à un moment donné, puis nous, on a brisé de cette section-là. Le Chinese dude, pas payé, il a rien vu. C'est ça, c'est un minion en passant. Là. Mais tout ça pour dire que le Patrick Stewart, à la fin, ça finit avec lui qui a récité 2 minutes de Shakespeare. Puis ça, c'était le highlight de tout. J'ai aimé son histoire aussi. Il a mentionné comment est-ce que quand il a commencé sur Star Trek, il avait lu une des premières critiques sur le développement de Star Trek The Next Generation. Puis ça, je savais pas ça, mais il avait nommé Unknown British Actor. Puis la gang. C'est fait Shakespeare. C'est ça, mais c'est parce qu'il arrive à Los Angeles, il a accepté un rôle comme ça. Puis dans les livres de Hollywood là, qui parlaient de la production Star Trek, comme il avait nommé Unknown British Actor. Puis après ça, la première saison, t'avais LeVar Burton, puis eux autres qui avaient, pendant la saison, dessus sa salle, dessus son dressing room, qu'il avait écrit Unknown British Actor. C'était le capitaine. Puis il faut que je dise qu'en parallèle, à cause d'avoir vu ça, puis à cause de ma femme qui a coupé la ligne, puis tout ça, puis elle est allée là aussi, c'était sa première expérience, elle a fait une journée, là, jamais fait ça avant, puis elle trouvait ça bien drôle, Comic-Con. Mais après avoir vu là, Patrick Stewart, a décidé de s'investir avec moi dans Next Generation sur Netflix. Puis ça, c'était hot. C'est que je pensais jamais qu'il était pas écouté de Next Generation. Puis là, elle l'écoute un peu. Là, c'est pas juste Professor X pour ça. Mais moi, c'est mes deux seules conférences que j'ai vues. Là. Je vais vous laisser. Je l'ai pas vu gros. J'ai vu sur Patrick Stewart avec toi, qui était comme ma bonne expérience, si on peut dire. Puis l'autre, j'ai vu Walking Dead. Si on peut dire, je suis allé. Avec Lawrence Gillard. Je m'en fous, c'est qui, je sais pas c'est qui, puis je m'en fous. Mais j'allais là, dans un sens, pour voir la petite blonde de Walking Dead, puis là, le black là, que t'as nommé, là, que je sais pas son nom. Là. Lawrence Gillard Jr. Non, mais dans le gars qui joue dans The Wire. Puis je pensais qu'il y aurait peut-être Norman Reedus aussi ou quoi, mais là t'es dans la file, tu fais la file, tu perds une demi-heure de ton temps là-bas et plus pour faire une file, t'arrives, tu t'assis pis t'es dans la salle pis la page Facebook, pis c'est André qui me dit va voir la page Facebook. Moi j'étais assis dans la salle pis j'attendais là, j'étais assis là. Tu me permets-tu d'embarquer? Non, attends, j'étais assis pis je reçois le message qui dit hey, le panneau il est annulé. Puis je suis dans la salle, tu sais, je me dis ben non, ça se peut pas. Mais toi, m'ostinais par message texte, dis non, Chris, je suis dans la salle. Moi, je pensais qu'il était pas là, tu sais, puis qu'il avait entendu ça de quelqu'un, tu sais, ou de quoi. Puis comme j'étais assis, ça se peut pas. T'sais. Mais justement, j'étais assis. Puis calisse, ils sont même pas foutus. Ils l'écrivent sur Facebook, puis ils sont même pas foutus capables de sortir quelqu'un, puis dire hey les gars, finalement la fille, elle sera pas là, elle va juste signer des autographes si vous payez. Puis Norman Reedus, ben, il est même pas là partout. On l'a annoncé comme un gros invité, mais dans le fond, il est juste là pour prendre des photos si tu payes 80$ pour une photo. Puis là, on va vous sortir le Black Nowhere juste parce qu'il joue dans The Wire aussi. Ben, mais c'était son panneau, le gars. Peut-être, mais il a pas le droit. La seule raison qu'on est là, c'est pas pour The Wire, c'est pour The Walking Dead. Puis il t'annonce ça depuis 9 mois. The Walking Dead, des invités Walking Dead, Walking Dead partout comme Comic-Con. Puis Chris, ils ont pas le droit de parler de Walking Dead. Ouais, on a... Ça, moi, c'était ridicule. Quand j'ai texté Milter, je suis dans la salle, puis le panel à la base, c'est Lawrence Giller, puis l'autre fille que j'ai encore oublié son nom. Je m'excuse. Emily Chose. Emily Kinner. Il a tellement changé ma vie. Là. Mais gars, je suis dans la salle, puis je suis assis. Là, je prépare mon appareil photo pour essayer de prendre des belles photos pour le collectif. Puis là, j'attends. Puis là, m'amener mon sel. Brrr! Ouais! Puis là, j'avais mis de m'avertir quand il y avait des publications de Montreal Comic Con. Nous sommes désolés de vous apprendre que le panel de Lawrence Giller Jr. est annulé. Puis toute la kit, là. Mon sel vibre. Il est supposé d'être avec la fille, par exemple. Mais ça, c'était supposé d'être ces deux-là. Mais elle est même pas sortie parce qu'il n'y a pas d'autres projets. Là, sont là. Puis ça, c'est cancellé, puis je suis dans la salle. Puis là, je me reviens à ma gauche, puis je suis immédiatement à gauche du micro où les gens viennent poser des questions. Puis là, je regarde, puis il y a un bénévole qui est là, puis ça fait « coucou ». Puis là, ça lui parle dans l'oreille, il fait « oh, oh ». Puis là, il met son doigt à l'oreille, puis t'inquiète. Non, lui, c'était pas un bénévole. C'était un des payés. Il est payé, il est tech, là. Puis le gars, il met sa main à l'oreille, ça parle un peu, il devient blême. Mais il est blanc comme un drap. Je la regarde, je fais Chris, c'est bien. Puis là, je vois sur mon chose, tu sais, panel cancellé, tout le kit. Là, je regarde le gars, je monte mon sel, il fait ouais, vous allez avoir des nouvelles dans pas long. Là. Puis là, tout le monde s'élève. Calvaire, on est dans la salle, pourquoi vous cancellez ça? Puis là, je dis Calvaire, mais en réalité, c'était Calice. Puis on va crisser le feu. Puis là, t'as eu un gars, il a écrit dans les commentaires « We should start a riot ». Toi, mon gars, si tu nous écoutes, ben excuse-moi, même si t'es notre auditeur, t'es un nasty d'épais, man. Mais c'est juste un commentaire écrit, fait que tu sais, ben, même écrit « Calice », man. C'est poussé, mais il a payé sur Internet. Fait que là, ben c'est ça, tu sais, c'est comme, il y a pas personne qui est mort, puis... Mais, fait que là, il cancelle le panneau, mais en réalité, là, le gars, il dit « Attendez, il cancelle pas le panneau ». Fait que moi, je texte à Milter, je dis « Asti, dans le fond, c'est une pogne. Norman Reedus va sortir puis va faire tout le kit. » Là, t'as un des annonceurs de Comic-Con, c'est un des gars qui fait Battle-Con d'habitude, qui sort puis qui fait « Ok guys, j'ai une bonne nouvelle puis une mauvaise nouvelle pour vous autres. » La bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que Lawrence Giller Jr., tant qu'il est vivant dans la série de Walking Dead, donc tant qu'ils sont vivants dans la série, ils n'ont pas le droit de parler dans une vivant conférence. Et diffusé. C'est ça. Ben, même tant faut qu'il est vivant. Faut que ça soit diffusé. Une fois que ça a été diffusé, qu'il est plus vivant, il est correct. Fait que tu sais, même s'il crève un moment donné, mettons, c'est aussitôt qu'il crève dans la série, ils ont le droit d'en parler. Ça va, je veux dire, peut-être filmé déjà. Là, ça, je veux c'est dire, ça, là, exactement. Ils sont là sûrement parce qu'ils meurent tous dans la quatrième saison et qu'ils ont le temps de libre. Fait que tu sais... Mais on l'a pas vu. Là, ils disent qu'il n'a pas le droit de parler de Walking Dead à une foule. Il peut t'en parler à sa table. Il peut t'en parler de face à face, mais il n'a pas le droit d'en parler à une foule. Fait qu'il dit, vu que lui, il a déjà joué dans The Wire, ben, il va embarquer sur le stage et vous pouvez lui poser... En fait, c'est pas juste The Wire. Vous pouvez lui poser des questions à propos de The Wire et son passage dans le film The Waterboy. Parce que Dieu sait qu'il y a eu un impact incroyable dans Waterboy. T'sais. Il était un genre de Waterboy dans Waterboy. Ah ouais, il faisait un genre de... Redneck bizarre, là. Nowhere. Mais tu sais, là, le monde en salle capote. C'est clair. Mais tu sais, il pose la question de Wire, ça dure 2 minutes, ça finit là, puis le panel est fini. 3 questions au total. 3 questions au total. Ce qui m'a fait rire et qui m'a déçu un peu, puis je me suis pogné avec une bonne femme dans la salle. Parce que le panel finit, puis t'en as une qui a chaud de la merde au pauvre gars qui est à côté du micro, mais comme du poisson pourri, là. Vous êtes des hosties, puis là, on a entendu toute la quête, puis je fais comme hey! Mais elle a sûrement pas Facebook, fait qu'elle peut pas aller écrire, qu'elle veut partir un email, tu le postes. C'était malade. Fait que là, j'ai vraiment gueulé, j'ai fait hey! Là, elle arrête, puis là. J'ai dit, penses-tu que c'est sa faute à lui? C'est ça. T'sais, puis là, elle a comme figé, puis réalisé un peu, t'sais, puis la phase, comme quasiment retombée en enfance, puis ah, ouais, mais je suis déçu, puis. Ben ouais, pis lui, ben, il a sûrement pissé dans ses culottes quand il a entendu dans l'écouteur qu'il y avait 500 personnes dans la salle qui attendraient. Tu sais, maintenant, il réveille. C'était du gros cafouillage. Moi, je trouve que c'est du amateur shit de la part de soit les acteurs ou soit le Comic-Con. Ah, mais je comprends pas comment ils peuvent annuler. Parce que tu peux pas publiciser ça pendant 9 mois de même avec Walking Dead écrit en gros sur ton affaire. Quand soit que toi tu le savais qu'ils pouvaient pas parler de ça, ou soit que les acteurs le savaient en signant le contrat, il y a quelqu'un à quelque part qui le savait, puis c'est ce qui je trouve le plus décevant, c'est qu'il y a quelqu'un à quelque part qui est crasseur, parce que c'était pas booké comme si tout allait être beau, puis que soudainement AMC a appelé le matin, puis comme non, hop, vous pensez plus rien. Fait question juste comme ça, juste question comme ça, t'as-tu un bon panel? Ben moi c'était Sir Patrick Stewart. Ok, tu n'as-tu eu d'autres? Non, je n'ai pas eu d'autres, mais il y a quelque chose que j'ai eu, une découverte, mais je ne sais pas si ça se considère c'est comme un panel. Mais c'était à 7h le soir, 8h le soir, jusqu'à... Non, 9h même. À l'affaire de Romero? Non, pas pendant tout. Okay. C'était un genre de panel de 9 à 11, genre de quelque chose de même. Mais c'était un panel. Mais c'était pas un acteur. C'était un panel. Mais c'est ça, je sais pas. Fait que c'est une bonne expérience, j'ai hâte de l'entendre. Moi, c'est une découverte pour moi. Là. Ça s'appelle un turnabout. Ma blonde, elle checkait l'horaire, dans le fond. Puis ceux qui savent pas, ma femme, dans le fond, c'est une méga fan de dans une galaxie près de chez vous. Ah oui. Okay. Moi j'ai ça mourir. J'espérais d'avoir un panel qui a aimé. Ben oui, j'ai adoré le panel. Je parle du show de TV que je suis un peu. Dans une galaxie près de chez vous, moi je catch pas, c'est des jokes de grand-mère puis d'affaires de même. Reviens pas me chercher. Mais... Tu peux faire un meme en passant avec ça. Joke de grand-mère, Milter, gâchez-vous. Fuck off, hein, des jokes de grand-mère. En tout cas, pas de grand-mère, de grand-mère. Okay. Bien spécifique, parce que sinon, ça peut être louche. Mais ma blonde, elle aime bien ça. Fait qu'elle a vu une affaire qui était un turnabout sur Dans une galaxie près de chez c'est vous. C'est quoi un turnabout? C'est ce que je ne savais pas. Puis c'est ce que j'ai découvert, puis que je trouve assez intéressant. La seule affaire un peu moins cool, mais que je trouve super cool, la troupe, si on peut dire, parce que c'est comme une pièce de théâtre. OK. Ah, un genre de pièce de théâtre, si on peut dire. Mais la troupe était moyennement bonne. Tu sais, elle était pas excellente. Tu vois qu'ils maîtrisent, il faudrait plus de maîtrise ou plus de pratique, mais à ce que j'ai compris, je pense qu'il y avait un turnabout à chaque jour. Fait que, tu sais, c'est pas des affaires d'apprendre des textes, ils ont des livres avec eux autres pareil, parce que c'est beaucoup. C'est comme Improv Anywhere, dans le fond. Pas du tout, c'est ça l'affaire. C'est comme carrément, dans le fond, c'est pas comme, c'est carrément Phoenix Wright Ace Attorney. Hein? Phoenix, le jeu Phoenix Objection, Wright. Objection, là? Objection, c'est carrément ça. Sauf qu'un turnabout, c'est ce que j'ai découvert après tout ça. Le jeu Phoenix Wright Ace Attorney, c'est un turnabout game. C'est un jeu que tu lis l'histoire, si on peut dire, t'as des affaires, là, ils te disent un témoignage, ils te repassent le témoignage, puis tu fais objection! À chaque fois, t'as des écrans, des indices, des affaires, fait qu'il y a un écran sur le bord de la pièce de théâtre. Eux autres, c'est tout écrit pour Dans une galaxie près de chez vous, fait qu'il y a il y a deux avocats qui sont de Phoenix Wright Ace Attorney. Et un juge du jeu, mais les personnages, c'est des personnages de la série de Dans une galaxie près de chez vous. Puis à ce que j'ai su, il y en avait un de Batman que j'ai été très déçu de manquer, qui était la veille, mais qui était comme, je pense, pas écrit ou quelque chose, ou j'ai vu ça comme à retard, là. Mais je vais checker ça pour les prochaines années, là. Mais c'était carrément un genre de fausse histoire que quelqu'un était mort de Dans une galaxie près de chez vous, il y a eu un crime qui a été commis. Pis c'est le trial, le tribunal. Moi, j'ai besoin de me faire réconforter, Milter. Là. Dans une galaxie près de chez vous. Avec Claude Legault. Avec Claude Legault, là. Là, parce qu'il est dans tout. Julien Poulin joue pas là-dedans, premièrement. Non, non. OK, good. Non. Fait que là, je suis en contexte. OK, dans une galaxie près de chez vous, le Romano Fafard. Oui. Là, il y a un meurtre. Il y a un meurtre. Puis là, t'as Phoenix Wright, puis l'autre gars qui arrive. Ben, ils font une petite mise en scène. Ils disent, ouais, il y a eu un meurtre, nanana, telle personne est morte de telle façon. En tout cas, ils sont atterris à telle planète pour faire un procès. Fait que c'est juste, c'est cheap de même, genre, si on peut dire. Le, mais y a-tu des décors, puis des costumes? Il y a le décor de... Ils ont tous des costumes. Ils sont tous en cosplay du jeu, là. Les avocats, là, sont vraiment... C'est full cosplay. Luduc, il est-tu là? Luduc fait très, très bien. Il était pas là. Mais Luduc, là. Luduc est allé présenter un acteur du film de Dans une galaxie près de chez vous à la troupe de théâtre. Pas pendant l'affaire, mais juste avant. Il était full énervé, justement, comme d'habitude. Ouais. Mais checkez ses vidéos, vous allez comprendre. En tout cas, c'était ça. Là, c'est les avocats tous déguisés, le monde déguisé dans une galaxie près de chez vous. Ça dure quasiment 2 heures. Là. C'est une pièce de théâtre au complet. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a 3 personnes de la foule qui sont appelés à venir sur la scène du côté de la défense pour justement choisir des indices parce qu'ils jouent, on joue carrément au jeu de c'est Phoenix Wright. C'est comme un grandeur nature légale. Genre, c'est comme un tribunal, puis nous autres on voit les indices sur le mur, ils ont des dessins faits, des photos préfaites d'avance qui a rapport avec l'histoire. Fait que là c'est comme tu regardes la photo, hein, quelle affaire qui est louche, tu vois les indices en bas. Chaque phrase, il dit, ils sont l'affaire, c'est ça, c'est, il dit, mettons, son témoignage. Mais là, l'autre, il faut qu'il leur lit, puis là, il lit une phrase à la fois, puis la personne, objection. Puis là, les 3 personnes qui sont là, ils font les choix de, non, ça fit pas, c'est ça la crosse dans le témoignage, nanana, ou ben tout est correct, ou. Fait que, tu sais, en tout cas, je trouvais ça très intéressant. La seule affaire, c'est que, il y aurait peut-être besoin d'un peu plus de skills. Pour pas cafouiller, mais tu voyais que c'est du monde que c'est des passionnés de ça et non des acteurs de théâtre. Mais là, attends, c'est des passionnés de... De Turnabout ou des passionnés de Phoenix Wright ou des passionnés ben, de si, Dans une galaxie près si de chez vous. Si t'es un fan de Turnabout, d'après moi, c'est parce que t'es un fan de Phoenix Wright en quelque part, là. OK. Puis, dans une galaxie, c'est, d'après moi, ils font des côtés nerd, un peu geek de tout, parce que, comme je te dis, il y en a de Batman, il y en a de... Je l'ai vu sur le site, il paraît qu'ils en font Transformers. Quoi? Ils font de tout en Turnabout. J'étais allé liker leur page, là, je me souviens même plus. Je pense c'est quoi leur page? Je pense que c'est une... Je me souviens même plus, mais c'est une affaire genre... me semble le nom, c'est comme Phoenix Wright Turnabout, là, ou quelque chose de même Montréal, là, tu sais, c'est où Ace Attorney Turnabout, là, ou... Ouais, c'est très hot, c'est cool, fait chier d'avoir manqué ça. C'était vraiment une surprise, là, je m'attendais pas à ça. Ma blonde, on n'avait aucune idée c'était quoi, à part Dans une galaxie près de chez vous, on y allait pour ça, puis c'est moi, après comme 15-20 minutes, j'ai fait, c'est vraiment le jeu, là, le fond, là, tu sais, j'ai cliqué tout, là, puis c'est cool. Cool, ça. OK. J'imagine qu'il va être de mieux en mieux. Fait que j'ai hâte à l'année prochaine pour voir ça. Là. C'était une belle surprise. Je suis curieux de checker ça l'année prochaine aussi. Marie, Chris, vous autres, avez-vous le temps de vous promener un peu? Zéro. Non, rien. OK. Ça, on reste à la table. C'est pas grave, vous allez avoir plein de pertinents. Mais Christian, il a bougé un peu plus. Ça, ben, en fait, c'était quoi? C'était samedi? Non, vendredi ou samedi? C'était quand? Vendredi, je pense. On c'est est vendredi. Allé voir, vendredi, c'était plus calme, ouais. Ouais, mais on est allé voir Romero. C'était Dawn of the Dead. Night of the Living Dead. Night of the Living Dead. L'original. Oui. Puis on a eu une petite conférence avec Monsieur Romero. Ils ont présenté le film. C'était pas le bon. Il est rentré dans la salle pour dire c'était This is not my movie. Moi, je pense à ça. J'étais allé le voir Romero dimanche en conférence avec Ken Fury. Puis, ben, nous autres, on l'avait vu vendredi. J'ai même pas pensé à le mentionner. Mais c'était écœurant. Je vais juste dire ça. C'était vraiment bon. Après ça, le film, on a écouté le film avec Dwayne, avec la méchante slap à Dwayne. Hey, honnêtement, il a slapé. Check ça, OK? Moi, ça faisait un bout que j'avais pas vu Night of the Living Dead, excusez-moi. Le gars, un moment donné, il gifle une fille, OK? Ça arrive comme dans les 20 premières minutes du film. Puis pour le restant du film, la fille est un légume. Il y en a crissé une solide, là. Il a gifle, là, ça fait PAH! Puis la fille, elle n'en revient jamais. Puis ça a comme passé au cinéma. Puis t'as comme tout est fucking ben, cliché passé. Il y en a plein, là, dans ces films, là. Puis après ça, il y avait Kel Furry qui commençait à compter. Posait une question, puis finalement, il partait sur sa vie, sur ses expériences. Il était intense, c'était quand même cool, là. Je veux dire, c'était drôle, ses affaires. dans la ligne, il y avait deux filles assez bizarres qui deux semi-hot chicks, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient là. Tu te rappelles? La fille qu'elle avait. La fille avait acheté à peu près pour 300$ de stock, puis elle kickait ça à terre. Ouais. Puis c'était vraiment n'importe quoi, ça. Là, ça n'a pas de sens. Mais Ken Foree, pendant l'événement Night of the Living Dead, puis Dawn of the Dead, Ken Foree a volé le show parce que lui, il a vraiment pris le contrôle de ce Q&A qui devait durer peut-être 20 minutes, une demi-heure. Puis il a commencé à nous conter des histoires de genre. J'étais ça à bras, c'est Carl Weathers, puis. Le gars qui fait Darth Vader, qui faisait la voix de Darth Vader, Earl Jones. En tout cas, il était avec eux autres. Oh, on était sur la brosse à Harlem des années telle affaire, pis t'inquiète. Pis t'es là, pis t'écoutes ça, pis tu fais man, c'est malade ce que le gars il compte présentement. Pis tu vois, ça, là, il a volé le show avec ça. Même qu'à un moment donné, il voulait l'arrêter, pis il dit hey, il dit voulez vous organiser l'année prochaine, vous demandez à l'événement, ça me prend. J'ai trois histoires que je vais vous conter en 5 heures. Puis, direct en partant, t'es comme 5 heures pis 3 histoires, what the fuck? Ça veut dire qu'ils ont déjà compté et timé, là. Probablement. Il sait que ça prend 5 heures à compter les 3. Mais il a volé le show, ce gars-là. Là. Ouais, il a volé le show. C'était malade, là. Mais c'était, je veux dire, ça, il a quand même parlé pendant au moins 45 minutes, une heure. Puis, quand son film Dawn of the Dead il arrivait, le monde a juste critiqué. Ah, mais maintenant, il était rendu tard aussi. T'es rendu dans cette journée. Puis c'est surtout, tu sais, c'est comme, hey, on a un treat pour vous autres, la version non censurée européenne de Dawn of the Dead. Tout le monde sac leur camp. Ben ouais. Je filais cheap un peu, mais d'un autre côté. On l'a vu. Il était rendu tard, là, pareil. Là, non, ouais. Mais pas rien que ça, on l'a vu. Là. Ouais. T'as beau dire non censurée européenne. Gars, t'achètes. Il y a une des 8 versions qu'il y a en DVD là, que j'ai toutes chez nous. Effectivement. Sinon, t'as-tu vu d'autres panels? T'as-tu vu de quoi? Non, j'ai juste promené un peu, j'ai vu, j'ai spoté la Bebop et Rocksteady qui était au Menzaï, une boutique de jouets, de Art Toys dans le fond, de Toronto. On va en parler tantôt, Christian, du plancher. Puis, Tantôt, Christian. C'est pas mal ça. Genre des panels. Ah, des panels, là. Non, j'ai pas eu le temps, vraiment. Ouais, rien okay. On est occupé en temps. J'en doute même pas. J'adore, par exemple, on voulait le point de vue de quelqu'un qui fait des comme qui fait une exposition là-bas. Ben, merci. Honnêtement, là, ils ont travaillé fort, puis tu sais, regarde, on avait en un espérant beau... qu'il y ait le tching au moins, là, c'est ça qui est important. Ouais, pas mal sûr qu'ils vont être, ils vont être à l'aise avec ça. On a eu le boot de réseau cette année aussi. Moi, je voulais remercier pas mal tous les gens qui sont venus donner du leur, les gens qui ont aidé à financer ça. Donc, on a pu passer du temps derrière ce boot-là cette année. Ça a rendu la tâche de couverture médiatique un peu plus difficile. J'ai eu le temps de rencontrer beaucoup de gens. Mais c'est le fun, non? Mais par contre, c'est con à dire, mais cette année, le seul panel vraiment, ben, tu sais, j'étais allé en voir quelques-uns, mais le seul panel qui m'a marqué, moi, c'était Stephen Amell. Je voulais pas manquer Stephen Amell, pantoute. Je suis un gros fan de Arrow. Je trouve que le gars, c'est une des vedettes qui gère ses médias sociaux de la meilleure façon, selon moi. Il les gère lui-même. Il va faire ses propres Q&A, propres Reddit. Le gars, il est super sympathique. Il est fan. Il aide ses fans. Fuck cancer, toute la kit. Il est présent, le gars. Ce qui a été un peu weird, c'est que je suis arrivé au panel, justement. Puis, dans le fond, comment je peux vous dire ça? Les questions étaient originales. Il se faisait poser des questions. Quand à un moment donné, il y a une dame russe qui se lève puis qui a dit « Écoute, je sais pas si tu parles couramment le russe, mais dans tel épisode, à un moment donné, tu parles puis tu dis quelque chose. » Puis tout ce que j'ai compris, c'est genre « make your children orphans. » Puis tu sais, c'est comme une grosse phrase. Puis elle a compris comme 2-3 mots. Elle dit « Comment vous vous prenez à Hollywood pour apprendre ça? T'sais, comment, c'est quoi? T'as-tu quelqu'un qui vient t'apprendre? Tu prends-tu comme 6 mois de cours parce que tu sais que tu vas parler le russe, des choses de même? » Puis tu sais, il l'a expliqué, il dit ça, c'est tough pour nous autres parce que t'as un gars qui s'en vient, puis faut que t'apprennes tes phrases phonétiquement parlant en genre 3 jours, puis tu vas parler le russe, des affaires de même. Fait que tu sais, il dit que c'était super tough pour lui. Dans le fond, ce panel-là, j'ai aimé ça. Je sais pas si vous avez vu sur le show floor, il y avait un gars qui se promenait avec une genre de grosse pancarte, c'était la tête de Stephen Amell. Ouais. Stephen Amell a pris une photo à côté de sa tête, genre, puis il l'a mis sur son social network. Le gars, il est super cool. Il a fait des vidéos. Il y avait un kid, malheureusement malade, qui n'a pas pu se rendre sur place. Il a fait un vidéo exprès pour le kid, puis il l'a mis sur sa page Facebook pour que le kid puisse le regarder. Tu sais, le gars, il est vraiment cool, super sympathique. Moi j'ai adoré ce panel là. J'étais allé voir The Walking Dead avec Milter. J'étais allé voir Night of the Living Dead puis Dawn of the Dead avec Christian pour Romero, tout le kit. J'ai pas été voir les affaires de Next Generation. Payant extra. Ben c'était payant extra. Puis les autres panels, moi j'avais vu et Patrick Stewart tout seul, et William Shatner tout seul, et William Shatner avec Patrick Stewart. J'ai juste choyé son Comic-Con de 3 ans. Non, mais c'est parce que ce que je me suis rendu compte, puis ce qui est bien, c'est que l'événement augmente en matière de calibre quand même dans leurs invités. On s'entend, Stephen Amell présentement, c'est une des vedettes que, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il est en mode, il est en demande, puis sa série roule bien, puis ouais, les filles capotent bien raide, là, mais le gars est en shape. Fait divers, allez regarder ce gars-là, tout le long de son panel, il se plaignait, il disait, il y a plein d'affaires que je peux pas faire, parce qu'il veut faire ses propres cascades, puis il y a des vidéos, lui qui s'entraîne, il fait du parcours, puis le gars, il en fait du stock, c'est malade. Puis il dit, il y a une scène, je m'en rappelle, puis là, il était comme, ah, oh, celle-là, tu peux pas la faire, il y a une moto, t'as pas le droit. Ouais, mais mettons qu'on enlève la moto, puis que là, je fais un flip sur le hood du char, puis telle affaire, puis t'es quitte. Parce que ce qu'il expliquait, c'est, aussitôt qu'il y a une moto, il n'a pas le droit à cause des assurances. C'est comme, tu touches pas à ça, t'embarques pas sur la scène. Fait que lui, il expliquait qu'il trouvait toujours des manières de contourner pour genre faire les cascades lui-même. Fait que tu sais, allez voir ses vidéos, c'est vraiment passionnant, mais il y a eu quand même un bel essai cette année de la convention. Il y a beaucoup de vedettes qui sont ajoutées, qui est intéressante. Malheureusement, ben, il y a eu Doctor Who qui a cancellé, il y a eu la bavure pour Walking Dead. Il y a eu des décisions peut-être Jake un Death peu... Jack Snake qui est dans le coma. Ouais, ben ça, c'est un peu hors du contrôle quand même. Yeah, mais il y a eu des affaires un peu weird cette année, mais moi, ce que ça m'a permis de faire, c'est quelque chose que j'ai rarement fait depuis le début des couvertures de Comic-Con, puis j'étais content de le faire cette année. J'ai passé beaucoup plus de temps sur le plancher. Avant que tu fais ton segway plancher, là, j'ai-tu manqué ton breakdown dans le panel ou c'était-tu le... Oui, merci de me le rappeler. Ouais, Stéphane Amell. OK, ça, c'est le meilleur breakdown. Un breakdown pour moi, puis je vais vous l'expliquer, puis j'aimerais ça que vous nous partagez les votes. C'est de valeur, mais tu sais, tu t'en vas poser une question à une vedette. Un breakdown, c'est quelqu'un qui se met dans la ligne pour poser une question pendant un panel à une vedette. Donc, cette personne-là attend dans la ligne pour la conférence et arrive à sa question et fige, puis on voit le moment. Puis ce qui est cool du breakdown cette année dans la conférence de Stephen Amell, c'est que t'as pu voir sur l'écran géant le moment exact où le gars a cassé. Tu sais, il y a eu un bout où ça a fait comme nope, puis ça a arrêté là. Le gars, il commence, il fait puis là, il respire fort, puis il fait I love you, you're my favorite actor. Puis là, il a accroché quelque chose à côté, il a fait tituber, puis il est jamais revenu. Il en est jamais revenu. C'était incroyable. Le gros malaise, puis c'est là des fois que tu vas voir l'étoffe des acteurs. Tu sais, t'en as qui vont faire comme ils vont. William Shatner, il a niaisé un gars un moment donné, puis tu t'inquiètes, il était comme. Le gars, il avait posé une question, il dit ouais, tu sais, dans tel Star Trek, ouais, les baleines, puis. Tu sais ce qui est intéressant à propos des baleines, puis il a parti un monologue ses baleines, Shatner, puis il a sauvé la conférence. Mais ce breakdown-là dans le panel de Stephen Amell, c'est que le gars était tellement bon gars, Stephen Amell, mais tu vois que c'est comme la nouvelle célébrité parce qu'il a pas pu dealer avec. Là. Il a essayé de jaser, il a essayé de ramener ça de la quête, puis il voulait vraiment laisser le temps au gars de parler, mais plus qu'il laissait le temps, plus il voyait qu'il cassait encore plus, puis ça s'en allait encore plus tout croche, puis... C'était vraiment creepy. Fait que ça, c'était mon breakdown 2014. Je pense que le gars s'appelle Benji, si je me souviens bien. Je suis sorti de la salle en même temps que ce gars-là, mais c'était merveilleux. Honnêtement, suivre sur Twitter. C'était vraiment merveilleux. At Benji, pas le chien. Benji. Mais donc, on va continuer le segway. Pas le rapper ou le gars de voyons, Good Charlotte. Y'a-t-il un rapper qui s'appelle Benji? Ouais, Benji. Il fait... des vidéoclips là, humoristiques un peu. Ah oui, ok. Ah, oui, ben, okay. Je cherchais un gros américain. C'est un chien qui sauve mais donc, les familles perdues. Comme je disais tantôt, puis on va enchaîner avec ça, c'est que j'ai pu me ramasser une belle collection de cartes d'affaires. J'ai pu rencontrer des gens incroyables. J'ai pu faire des entrevues avec des gens aussi que j'ai mis sur la page Facebook du collectif. Ils sont sur le SoundCloud du collectif également. C'était des entrevues de 3-4 minutes. Puis on a eu une discussion de la gang, puis on s'est dit, on fait ça un épisode montage, on fait quelque chose. Ben, c'est du contenu exclusif. T'écoutes le podcast, tu likes pas la page Facebook, ben, il est peut-être temps que t'allais le liker parce qu'il va y avoir du contenu exclusif dessus une fois de temps en temps, puis ça vaut la peine. C'est une proximité qu'on a, puis on voulait gâter les gens. Mais le plancher que Marie et Christian ont vécu d'un autre côté, puis yes. même moi, par l'entremise du kiosque réseau. Mais moi aussi, j'étais dedans. Toi aussi, ben, dans le fond, tout le monde l'a vécu du côté exposant cette année un peu. Qui c'était très le fun, ça, en passant. On a pu l'explorer, ce plancher-là, que au fil des années, tu sais, je me souviens des épisodes précédents, on disait, ben, OK, il y a des figurines pop à vendre, il y a des t-shirts, puis il y a des artistes. Puis cette année, c'est justement, on a pu aller en profondeur avec ça. Là, je sais que pas mal tout le monde savait préparer du stock à dire, c'est kit. Moi, je voudrais débuter par vous autres, parce qu'on vous a pas entendu beaucoup depuis le début, mais... Oui. Surtout Christian. On se prépare comment pour Comic-Con en tant qu'artiste? C'est quoi le processus? Ça ressemble à quoi? Il y a vraiment beaucoup de préparation, en fait. C'est sûr que... dans le fond, c'est vraiment d'imprimer tout ce qu'on a besoin. Ça va être long. Surtout moi qui deal avec des gens de Los Angeles. Fait qu'il faut t'attendre les prints pendant un bout, des fois. Il y a les douanes aussi. Fait qu'il faut vraiment que tu calcules tout ça. Puis, la préparation. Donc, mettre les trucs dans les cordes, préparer. Moi, j'aime ça donner des trucs gratuits. Fait que c'est aussi d'en imprimer. Tu sais, ça a l'air de rien, là, comme ça, mais quand t'as du stock, pis t'as du stock, tu veux être sûr que t'es bien préparé, que t'arrives, ta table est facile à comprendre, parce qu'il y en a qui pitchent tout ça sur leur table, pis allez-y, regardez, mais c'est pas mal, ça marche, c'est vraiment, faut t'avoir une présentation, tu sais. Ben, je suis content de t'entendre dire ça, parce qu'il y a une affaire, pis c'est pas du flattage d'ego que je veux faire là, mais on a vu beaucoup de kiosques, pis cette année, j'ai vu, il y a eu une évolution dans les kiosques des artistes, justement, juste dans ton kiosque, c'est le souci du détail où... Tu sais, tu vendais des t-shirts, ils étaient exposés sur la toile, mais tu les avais roulés d'un panier avec une petite affaire. Puis, tu sais, là, tu avais tes bacs avec tes petits stickers gratuits. Ouais. Justement, tu avais ta toile de Godzilla avec le cadre que j'ai pas pu acheter. Mais, tu sais, tu avais du stock, justement, puis c'est pas juste des prints. Tu sais, tu avais des affaires, justement, encadrées, des prints, plusieurs formats, des exclusivités en plus que tu avais faites. C'est pas encore parfait parce que, comme j'aime beaucoup mettre les cadres, ça m'aime beaucoup. Les gens sont capables de voir, OK, avec un cadre, ça a plus de valeur. Ça doit maganer moins de print aussi. Exactement aussi. Puis, mais le problème avec les cadres, c'est qu'ils sont sur le niveau du sol. Donc, quand tu te retrouves avec une foule devant, oublie ça, les gens derrière, ils voient pas. Ouais. Mais bon, c'est l'espace qu'on a, faut jouer avec. Puis, les t-shirts aussi, c'est la première année que j'en avais. Je savais pas trop comment les installer. Mais c'est sûr, les gens ajoutent quelque chose, ils veulent partir comme s'ils viennent vraiment d'acheter un produit. Mm-hmm. Tu veux pas leur pitcher, puis voilà, merci, bonsoir. Puis non, faut vraiment que ce soit une présentation comme ça. D'après moi, c'est mon côté plus design graphique qui sort de là que le packaging, tout ça. Mais effectivement, je pense que c'est vraiment important. C'est ça, quand je veux dire que tu vois la différence entre une personne qui, côté design, qu'une personne qui, une personne qui va faire des dessins, il va étaler ça, ses dessins, il va les imprimer, puis il va juste les mettre. Comparativement à une personne qui fait de l'art, qui étudie en design, cette personne-là va souvent vouloir rendre toutes les choses super belles, une belle présentation. C'est l'expérience au complet. Ouais. Mais je pense aussi. C'est ce qui attire. Moi, je le vois comme une business aussi. C'est ça, les gens, il y a beaucoup d'exposants qui sont là, puis ils voient juste une opportunité de montrer ce qu'ils font. Mais moi, je le vois vraiment comme une business. Là. Il faut, c'est ça. Il faut que je vende. Là. C'est des produits. Là. C'est pas. Mais je suis d'accord avec toi. Tu étais là pour vendre. Ça paraissait dans votre kiosque aussi. Tu sais, même Christian, que tu es arrivé avec tes produits. Puis tu sais, je me souviens la première journée, tu m'as dit wouh, là, les prints sont à plat, mais là, les mondes ne les voient pas assez. Il faut que je trouve de quoi leur donner un angle. Puis, tu sais, il y a beaucoup d'adaptations, j'imagine, qui se passent. Je m'en ai juste dit, j'avais remarqué ça, surtout comparativement à ton boot. Que moi j'étais juste, j'avais pas de cash, puis ça me faisait le cœur, t'as tellement du bon stuff. Mais à part de ça, t'as remarqué beaucoup, t'as des bouts d'artistes pis les bouts de revendeurs, tu sais, comme ils sont vraiment séparés. Oui. Mais les bouts d'artistes, j'ai remarqué qu'il y en a comme fuck man, ils sont juste assis là en arrière en train de checker leur téléphone, ou t'as une belle fille en fucking habillée en kitano, quelque chose, je sais pas, là, qui est juste là en train de rien faire. Avec des calendriers. Mais c'est ça. Mais j'ai remarqué qu'il y avait, t'as des différents vibes de booth à booth. Puis t'as vraiment des artisans qui sont juste là, puis comme tu dis, qui sont juste check, ça c'est mon stock, mais ils s'en foutent s'ils vendent ou non. Ouais. Ou... Non, c'est ça, il n'y a pas le côté business, justement. Ben, c'est ça, mais tu mélanges un peu les deux, parce que même Comic-Con, c'est par business puis artiste. Oui. Puis c'est bien que tu fasses ça aussi, là, ça marche bien aussi. Mais c'est ça, je regardais, je disais à Christian, comme, tu sais, nous deux, on était debout, on accueillait les gens, bonjour, venez. C'est parce qu'il y a du monde tellement gêné qu'ils veulent pas s'approcher. Ils sont plus introvertis. Fait que dès que tu casses la glace, eux autres sont comme, ah, oh, ok, bon, ben, je vais y aller. On a eu ce feeling-là avec notre bouteille Zedo. Mais c'est un peu ça, parce que, le point où tu t'en vas, nous, avec RZO, je te dirais, il y avait un aspect qui était très difficile aussi, c'est qu'on n'avait pas de produit. Oui, c'est ça. Vous autres, nous autres, c'était comme, c'est quoi RZO? Ben, hey, viens-t'en, on va te donner le sticker. Puis il fallait en parler, mais... Je vais juste en parler, tu sais, t'es gars. À côté de nous, on avait une dame qui faisait des genres de cotes de main puis des trucs comme des ça. Des jupes en cotes de main. Lingerie cotes de main. Ben, elle faisait des jupes aussi, puis des affaires de main, mais la dame était très réservée. Puis... À côté, t'avais une autre place de t-shirt qui parlait un petit peu, mais j'ai remarqué... Un mur de t-shirt qu'ils nous ont fait. Ben, c'est ça. Il y avait du stock, mais on ce que j'ai remarqué, c'est que, autant que nous, on était, tu sais, on parlait, t'avais on allait fini. Au-devant du monde, puis hey, tu connais pas ça, réseau, viens ici, hey, c'est 33 shows, on a un show de médecine, blablabla, puis on était capable d'accrocher ces gens-là, puis de leur parler pareil, puis d'avoir une conversation. Ouais. Alors ça, certains kiosques, que, ben, tu sais, t'as l'artiste, justement, que... Ben, moi, je fais ma BD, puis c'est là que je trouve plate un peu, c'est que il y a beaucoup de perles rares sur le plancher qui sont limitées par un artiste n'est pas nécessairement capable de se vendre. Non. Vous l'aviez bien parce que, tu sais, justement, hey, viens voir, puis ok, t'aimes quoi, puis hey, je vais te présenter, j'ai fait tel print qui pourrait t'intéresser, des choses comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui se vendent mal. Et ce que j'ai vu cette année qui est intéressant, Eric va pouvoir nous en parler parce que lui, c'était un de ses coups de cœur. On a rencontré des gens qui travaillaient sur un genre de jeu rétro. Puis le gars, lui, dans le fond, il est tout seul, il crée son jeu, mais il avait amené un genre de relationniste avec lui. Tu sais, quelqu'un qui servait à parler, justement, puis hey, écoute, on pourrait peut-être booker des trucs. Puis Eric, dans le fond, le jeu, c'est Anne, je crois. C'est, ben, Anne.n.n.e. Anne. De, ben, c'est justement de Games BMO, okay. Qui est une compagnie de Montréal. J'ai vraiment aimé mon expérience. Le jeu, en passant, là, comme shout-out, là, mélange Blaster Master, Metroid, R-Type, puis une histoire d'amour. Je sais pas si ça fait du sens. C'est cool, ben. Mais, man, là, c'était vraiment là, écœurant comme jeu. Puis j'ai vraiment une bonne expérience aussi. J'ai pas nécessairement parlé avec le développeur, justement, le gars, le producteur là, qui faisait ça. Mm-hmm. Je parlais plus avec son gars de PR, je pense que c'est Mo Brew, quelque chose qui s'appelle. Puis, c'était juste de montrer le jeu, peut-être ça, d'essayer ça. J'ai vraiment, vraiment aimé. Là. Comme ça, c'était vraiment une belle petite découverte. Là. Je sais que toi, t'avais parti pendant l'affaire, mais j'ai joué avec. T'es tellement gentil. En plus, il m'a donné une manette Super Nintendo avec le logo Anne dessus. Mais y a-tu le jeu dans la manette? Non. Le jeu, c'était pour jouer des jeux légaux sur mon ordinateur. Mais ce qui est impressionnant de Anne, puis moi, ce qui m'a accroché, c'est que tout de suite, c'est quand au début, on approche, puis je vois le jeu, puis là, il me dit « Anne, c'est un schmop mélangé avec telle affaire. » Ok, puis hey, c'est cool, puis vous êtes combien à travailler là-dessus? Ah, je suis tout seul. C'est ça, il y a attends un gars qui travaille là-dessus. T'es tout seul. Ouais, je suis tout seul. C'est là que ça fait. Ça part avec le gars de Fez, rien là. Non, c'est ça. C'est, ben, c'est... Fez, il était deux. Ouais. Ben, il y en a qui se sont plus. Non, il était deux. Mais ben, il y a embauché après. Un troisième investisseur aussi. Puis il y avait du budget à Fellfish quand même. Puis pour Anne, je suis sûr qu'ils ont du budget aussi, mais le gars, je le regarde à taper tout seul. Fait que là, ouais, j'ai fait musique. Design, code, jeu, playtest, debugging. Le gars, il fait tout. Puis c'est là que son relationniste est arrivé. Puis c'est comme, hey, salut, je me présente. Puis il laisse la carte dans les mains. Puis... Mais tu sais, moi, je suis tombé sur le cul carrément parce que t'as un paquet de monde qui passait à côté. Puis regardait ça. Puis faisait, ah, un jeu vintage. Puis il arrêtait pas. Le gars, il est tout seul. Puis il a fait un fucking jeu de A à Z. Ça, c'est Moïse Breton, là, son nom. Là, puis il est vraiment. Il est très cool en passant. C'est là, malade, il... ça là. Puis, ouais. Puis, ce jeu-là, c'est hot. En plus, juste pour donner un petit peu le concept de le jeu, là. C'est quand tu joues, qu'est-ce qui est hot? C'est que t'as Anne, qui est la c'est ton amour, c'est ton autre robot. Puis, comme chaque partie de son corps, c'est un pixel que tu dois retrouver dans le monde. C'est un open world 2D. Avec, comme je te dis, tu débarques du vaisseau à la Blaster Master un peu. Si tu as déjà joué à Blaster Master, vous comprenez un peu, tu débarquais de ton tank, tu le parques. Moi, j'aimais parker mon tank. Là, je me trouvais bien hot en faisant ça. Puis ça, tu sortais. Mais imagine ça avec un spaceship là, qui est vraiment hot. Même à des points, j'étais en train de jouer. Puis ça, j'avais trouvé ça vraiment hot. Comme parce que tu te promènes, puis tu trouves les morceaux de Anne pour retrouver ton amour. Puis t'as un autre robot qui s'appelle Anne. Puis à un moment donné, je suis en train de me promener dans une caverne, en train de tirer du stock, là, puis je m'amuse, puis tout ça. Puis là, après ça, il est là, puis son PR guy, le français, là, puis je me sens mal, j'oublie son nom. Là. Je crois que c'est Frédéric Vicaire. Frédéric, ouais, puis très gentil. Frédéric, en passant, il était vraiment gentil. Mais il me tape sur le bras, puis il est là, puis il dit ah, ton vaisseau, il se fait attaquer. Je suis comme, hein? Je suis comme super loin dans mon affaire, puis le vaisseau est en train de se faire attaquer, puis là, tu pèses le select button, là, puis ça te porte back à ton vaisseau, puis là, t'as ton vaisseau qui remonte, puis là, tu te bats contre des vaisseaux à la R-Type avec ton petit globe qui se promène alentour, puis c'était vraiment un coup de cœur. Tu dis, ça faisait combien de temps qu'il travaillait là-dessus? Ça fait comme 2-3 ans qu'il travaille sur le jeu, là, ouais. Tu sais, ce qui est impressionnant là-dedans, en plus, puis ce que je trouve de valeur, puis tu sais... Nous-mêmes, il faut être honnête, c'est la première année qu'on en parle un peu plus en profondeur, mais on a passé souvent à côté des perles rares comme ça sur le plancher, je suis sûr et certain, puis on n'a pas arrêté pour faire la couverture. Éric, tu m'as amené à un endroit à un moment donné, puis j'ai pu rencontrer Étienne Millette. Éric, il vient me voir au kiosque, puis il dit « André, il faut que tu viennes avec moi, faut que je te montre de quoi, c'est malade. » Man, ça c'est le gars derrière 1000 cuir. Ouais. Puis si vous êtes allé... promener un petit peu sur le plancher, je suis sûr que Chris peut-être tu l'aurais spoté, mais il y avait un petit kiosque comme caché dessus le plancher des vendeurs, là. Puis comme justement lui il devrait être des artisans, tu sais, comme c'est ça qui est weird, là, je comprends pas comme il y a bien du stock à vendre, mais il y a son commerce, oui, puis c'est un commerce qui est dispendieux en Chris, je peux pas me permettre qui... là, mais lui même il refait des livres en cuir en utilisant des vieilles procédures dans le bon vieux temps. Puis c'est tough, ça, j'en ai déjà. Ben, j'en ai mis sur le collectif des photos, ben, sur la page Facebook. En ce moment, je suis son Deviant Art là, parce qu'il m'a fait triper. Là, mais peut-être que vous avez vu son livre de Zelda qu'il a vendu en passant. Wow. Ouais. Je suis super content pour lui. Il l'a vendu. C'était comme 300$ cette affaire-là. Il l'a vendu, mais il fait plein de livres un peu dans ce style-là. C'est quoi qu'il y avait? C'est quoi qu'il y a à l'intérieur? C'est des notebooks. Ça fait que c'est des journaux. C'est des journaux que tu achètes ça. C'est un livre qui est fait avec du papier de qualité, tout fait à la main, tout travaillé avec le cuir à la main. Puis c'est quelque chose comme tu donnes en cadeau à quelqu'un, tu écris ton journal là-dedans, c'est éternel, là, quasiment. Là, c'est le genre de livre là, qui peut durer pendant des années, pareil comme tu en retrouves des livres. Fais pas de faute là. Moi, ce qui m'a fait mais en fait, c'est drôle parce que, excuse, je fais la parenthèse parce qu'il dit fais pas de faute, mais il y avait quelqu'un, je m'en rappelle parce que j'ai parlé un peu, puis il y a quelqu'un qui faisait la mention comme moi, mais fuck, justement, je veux pas fourrer le chien là-dedans. Puis il est là, puis il dit garde, qu'est-ce que tu fais là? C'est que tu commences avec tes dernières pages un peu, là, tu te pratiques un peu. Puis une fois que t'es confortable à écrire dans le journal, ben là, tu commences au début. Là. Mais je trouvais ça vraiment hot. Puis voir son travail. Sur un autre papier, puis après ça, tu retrouves. Ben, il y a ça aussi, mais il dit si tu veux pratiquer à écrire dans le lit, tu commences à la fin. Ouais, c'est ça, tu commences à la fin juste pour niaiser un peu. Ouais. Mais son stock était vraiment, vraiment, vraiment hot. Puis juste voir le stock qu'il a travaillé dessus, là, c'était cool. Là, ce qui est marrant, dans le fond, en plus, c'est que je suis allé le voir après. Puis le gars, il est super humble. Parce que moi, j'arrive nowhere. Puis. Des fois, c'est un peu intimidant, puis des fois, c'est dans mon approche aussi. Je pense pas, puis j'arrive, puis écoute, Étienne, ton produit il est malade. Je veux te passer en entrevue. Fait que moi, j'arrive là, puis je dis, hey, je veux te passer en entrevue, Étienne. Je me pointe là. Ok, là, j'arrive avec le micro, je donne ça, puis je vais mettre la capsule sur le collectif, dans le fond, dans pas trop long. Allez sur facebook.com/1000cuir, pas 1001000, mais 1000MILLE. Cuir avec un S. Allez regarder son stock un peu. Puis ce qui est le fun, c'est qu'en jasant avec Étienne, à un moment donné, t'avais sa sœur qui était avec lui, Marie. Puis elle a commencé à me parler, puis je vois qu'elle vend des bijoux, des affaires de même. Puis tu sais, c'est un peu du stock orienté grandeur nature. Puis là, je fais OK, qu'est-ce que tu me présentes là? Puis là, elle me parle à un moment donné, elle dit nous autres, on a une autre compagnie aussi, on fait pas des grandeurs nature, mais on fait un peu un concept d'immersion. Là, je fais OK, c'est quoi ça? Puis là, elle dit, on organise des événements, puis des choses comme ça. Puis elle dit écoute, moi je pourrais t'en parler, mais je vais t'envoyer voir mon chum qui est dans son kiosque à l'autre bout dans les artisans. Ça s'appelle Erol. Va voir Eric, dis-y que c'est Marie qui t'envoie, puis demande-lui qui te parle d'Erol. Fait que là, moi, OK, c'est parti de là. Mais c'est ça, c'est tout le network du plancher de Comic-Con. Puis là, j'ai fait comme fuck, c'est donc bien cool. Fait que je pars avec mes micros, puis tout le kit, je m'en vais voir Eric. Eric, salut, moi c'est André du collectif. Marie, elle m'envoie, faut que tu me parles d'Erol. On a mis l'entrevue en ligne sur le Facebook du Gay Collectif, dans le fond. Allez l'écouter, mais en gros, Erol, ils font des aventures d'immersion. Eric, il me parle de ça. Le gars, il a un doctorat en psychologie ou quelque chose en même, mais lui, il a fait, dans le fond, tous ses travaux sur la théorie que si tu fais quelque chose toi-même, tu vis quelque chose toi-même, tu vas stocker la mémoire beaucoup plus facilement. Donc l'immersion des choses est beaucoup plus stimulante versus un jeu vidéo que, tu sais, ah ben là, j'ai contrôlé un bonhomme par l'entremise d'une manette qui a fait ça. Versus, ben, j'étais un gars habillé en militaire avec un gun nerf, puis je suis rentré au cégep de Verdun en train de tirer sur du monde déguisé en zombie. Donc, Hérole font plusieurs aventures d'immersion comme ça, tu payes. Il y en a une qui s'en vient, je pense, c'est le 25 octobre prochain. Ça va être justement à Verdun. Ils louent un cégep complet ou une bâtisse au complet. Puis, il m'explique son concept. Il dit tout le monde peut jouer à Hérole. Tu peux arriver, puis nos immersions, contrairement à une grandeur nature, t'es pas obligé d'arriver avec tes oreilles d'elfe puis ta cotte de main et des affaires de main. Tu peux arriver aujourd'hui, t'as fini de travailler. Tu rentres là, puis t'arrives, puis bon, ben, t'es un citoyen dans l'Holocauste, puis ton rôle, ben, on va te le donner rendu là. Ou mais, tu peux être un zombie, ou tu peux être telle affaire. Mais si tu veux, tu peux-tu mettre des oreilles d'elfe, pareil? Ben, c'est sûr que tu pourrais, à la limite, mais des oreilles d'elfe. Parce que, mettons, je faisais un grandeur nature avant d'aller là, peut-être je t'habille encore un grandeur. Ben, peut-être qu'il y a certaines restrictions okay. En ce moment-là, non, Joe, c'est... pour les gens cherchant les failles. L'anglais en moi, là, quand il dit grandeur nature, c'est du LARPing. Là, du LARPing. Mais c'est du LARPing accessible. Là, un ben, peu, c'est du LARPing accessible parce que c'est moderne. C'est actuel, le nom anglais pour ouais, LARP. Oh. Ouais. Il y a LARP de series. Large aussi, Area Roleplay, choses comme ça. Mais en gros, Hérole, ils ont un événement qui s'en vient dans pas long. Puis moi, j'ose avec Eric, puis il me compte ça. Il dit regarde, il dit nous avons un gun nerf, puis tu fais ton événement, puis là, on t'envoie des zombies. Puis au lieu d'un jeu vidéo, ben, c'est toi, là. Faut que tu survives, faut que tu cours pour vrai, faut que tu tires pour vrai, faut que tu te défendes. Puis ça. Fait que. Puis tu es arrivé là, un groupe, wow. Puis tu peux louer comme un groupe. Tu peux arriver tout seul, ils vendent les billets d'avance. Moi, je l'ai invité à venir au collectif pour qu'on puisse jaser du projet un peu ensemble. Je sais que Marie nous avait parlé aussi, ben, m'a parlé aussi que peut-être aller regarder là-bas, il y a peut-être de quoi qu'on pourrait faire, soit un enregistrement live ouais. Pendant un événement ou des trucs comme ça. Mais Hérole, c'est Hérole.ca. Allez écouter l'entrevue qu'on a faite sur la page du Facebook. Puis sinon, ben, allez regarder les événements qu'ils font. Ils ont un paquet de trucs. Il y a une affaire de Frankenstein, une affaire de zombie, une affaire de genre de clergé. Ils font des événements aussi CSI. Attends, on peut tuer des prêtres, genre? Tu peux être un prêtre ou tu peux être telle affaire. On dirait que tu rêves de ça. Ils font des événements, là. Même il m'a parlé, il dit, il y en a un, là, c'est pas obligé d'être violent, il y en a un, c'est CSI. Là. Tu rentres, puis on te donne accès à des outils, puis on simule une enquête. Il y a un meurtre pareil. Ben, il y a un meurtre, mais pareil, c'est que toi, ton but, c'est pas de tuer quelqu'un, c'est plus, faut que tu trouves c'est qui. C'est comme Clou, mais dans vrai. Non, mais ça a l'air cool, c'est ça. Ouais. Le concept, moi, j'ai jamais vu ça. Puis honnêtement, si vous écoutez le podcast, il y a une partie de vous qui va être attirée par ça. Allez regarder ça. Puis honnêtement, à chaque année, on veut faire de quoi de nouveau pour Halloween. On se dit tout le temps, ah, moi, j'ai fait telle affaire. Ah, moi, je suis allé à Peur Dépôt. Ben, OK, t'es allé te promener dans les containers à Peur Dépôt. T'es sorti de là probablement en disant, je viens d'avoir beaucoup d'argent de dépenser. C'est toi qui me touchais? Non. C'est ça. Mais allez voir les rôles. Ça a été des coups de cœur que j'ai eu sur le plancher. Moi, je veux savoir vos coups de cœur sur le plancher. Éric, t'en as parlé un peu. Milton, sur le plancher, as-tu vu quelqu'un? T'as-tu un artiste? Ben, j'ai rencontré Nick Bradshaw, qui dessine des Wolverine and the X-Men, puis des Guardians of the Galaxy. Puis, pour les gens qui le savent et qui suivent le podcast, Milter, c'est le king de faire signer ses comics. Ouais, mais moins cette année, un peu, j'ai moins couru, j'ai choisi, mais ouais, d'habitude, je suis pas pire. Ouais, je pense que c'est à Ottawa quand. Parce que il était un G champion, man. Il y en avait beaucoup qui étaient à Ottawa que j'avais, comme Bob Camp, le gars de Ren and Stimpy était là, il était bien cool, mais tu sais, j'ai pas comme passé une heure à attendre devant son kiosque pour avoir de quoi de signer ou quelque chose. Mais sinon, il y avait Daniel Way. Qui est un auteur de Deadpool que j'ai fait signer une coupe de Deadpool puis Yannick Paquette qui m'a il me semble Yannick m'a rien signé cette année c'est, il a signé un Batman à ma blonde genre qu'elle avait fait que elle a demandé de signer ça puis Michel Lacombe qu'on a reçu au groupe podcast ouais. Au début qui était là puis c'est un épisode profité. Qui était vraiment écœurant en plus ouais faudrait le revoir là, y reposer d'autres questions peut-être là. Effectivement puis, ou demander à Yannick aussi peut-être s'il peut un moment donné mais en tout cas mais toi dans le fond c'était plus l'aspect fun. Comique ben moi j'y allais plus pour ça j'ai trouvé une couple de petits chandails cool pour mes enfants là, tu sais puis des affaires de même puis une fois que ça c'était sorti de c'est comme ma première dépense mais casseille d'enfant fait qu'un t-shirt de Minecraft puis un t-shirt de Thor puis un casse-tête de c'est quoi là Nightmare Before Christmas tout le monde est heureux après je peux le dépenser pour moi Fait que j'ai fouillé plus dans les comics. Puis j'étais un peu déçu cette année dans le sens qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de... Les comics pas chers sont rendus plus chers. C'est du 3$. Puis plus des bins à 1$. Là, t'sais, genre, j'ai vu 3 boîtes qui étaient 1$. Puis c'était de la merde. Excusez le terme, là, mais on s'entend que... Inflation, Hunter, inflation. Ben c'est ça, fait que ben inflation puis le stock qui part, tu sais, un moment donné t'es 20 comics à 1$ puis il y en a plus j'imagine. Fait que c'est ça, là tu fous les comics à 3$ minimum pour essayer de trouver une perle rare. Même le Comic Hunter, il n'y en avait pas de 1$. C'est lui, je pense qu'il y avait 3 petites boîtes cheap à 1$ puis le reste c'était 3$. Puis sinon ben il y avait le gars dans le milieu que j'ai carrément oublié, c'était qui, Comic Book Shop ou quelque chose de même. Il y a comme 3 belles rangées incroyables, classées par ordre, numéro, par série, tout. Là, tu cherches de quoi il l'a. Il y a même ces 2 grosses tables de tu sais, ils sont plastifiés, là, non, ben pas plastifiés, mais dans des sleeves en plastique. Là, puis ma blonde en a pas un, comme, ah, un vieux Avengers, 500$. Okay, comme... ouais, dans les protecteurs. Ben, ouais, c'est des protecteurs pour garder ouais, c'est ça. Comme les cartes d'hockey, là, mais pour le comic. Okay. Là. Ben, tu sais, t'y prenais, là, puis... Les 2 premiers sur une pile d'à peu près 80 comics, là, ben, il était comme 500 puis 300$. J'ai fait comme, gars, là, je l'ai mais les différents grades, c'est marqué en haut. Ouais, mais c'est incroyable. Pareil, là, tu sais, c'était la table de 100$ et plus, là. Puis je checkais dans les boîtes, puis c'est comme, ah, 40$, ah, 30$. C'est comme, ah, ok. Il y a tout, mais c'est comme, tu veux compléter ta série absolument. Paye le prix, puis en même temps, je suis content, parce que j'ai vu comme Guardian of the Galaxy Marvel Now, numéro 1, il vendait comme 40$. Puis moi, ben, je l'ai acheté pour comme 2,5$ il y a 3 semaines. Là. Fait que j'étais comme, cool, oh, ouais. Good deal. Ouais, mais d'un autre côté, tu penses-tu que c'était peut-être un coup de Guardians of the Galaxy, c'est cool? Ah, ouais. Oh, ben, ouais. Je suis sûr que c'est un coup de ça. J'ai acheté numéro 1, 2, 3, 4 pour 12$. Puis lui, il vend rien que le numéro 1, 40$. Puis je suis comme... Parce que moi, je l'ai vécu du côté fan d'animation japonaise, mais Attack on Titan, c'était en mode, là. Ouais. Les figurines, puis tout le stock d'Attack on Titan, je capotais. T'avais des petits hoodies avec le look de la Division, puis les choses comme ça. Puis c'était 100-120. Les petites figurines, 60 pour un petit play art importé ou des affaires de même. Je pense que cette année, par contre, les marchands... Puis c'est peut-être une raison pourquoi je me suis redirigé un peu plus vers les artisans et les artistes, mais les marchands, c'était vraiment cher sur certaines choses. Je peux-tu conter une petite histoire de marchand vite fait? Ouais, vas-y. Mais c'était le deuxième jour, je pense, j'arrive, puis on va voir la gang d'accro de jeu, puis t'étais avec moi. Oui, on était avec Giz, justement. Puis t'as Giz qui vient juste nous voir, puis comme il est comme, faut que je vous montre ça, faut que je montre ça. C'est-tu sa gomme de 1989? Non, mais t'as Giz là, qui nous apporte, les jeux, c'est sérieux, là, checker ça, c'est très drôle. Mais il nous apporte un Christine Marchand, man, qui avait un... Puis ça, ça a runné un petit peu, ça a été viral un petit peu là, dans le web QC, on pourrait dire, mais un Super Mario Bros. Nintendo à 75$, loose. Puis c'était le même Christine Marchand-là, il y avait un Zelda Link to the Past à 300$ en boîte. Puis on le trollait un peu, là. Moi, je posais, comme t'avais le gars, c'était pas le vrai marchand qui était là quand moi j'étais allé, mais on me niaisait un peu. Mais c'était comme assez spécial, là, 300$ pour ça. Puis c'était le même gars-là, man. Hey, Chris, il y avait un Voltron à 75$. Ouais. Cassé, par contre. Il y avait comme 2-3 morceaux de cassé dessus, là. Mais c'est le vrai de vrai, là. C'est un original Voltron, mais à 75$, ça mange de la merde. Je vais payer 200$ pour j'en le beau vu remake. J'en ai une coupe que je voulais. Il y avait même le Albator aussi dans une autre boutique, là, avec le trône, mais c'est. Trop cher. C'était 300$, je pense. Ben, juste, tu sais, une petite joke là-dessus. Je sais pas si vous avez vu sur le Twitter de Papa Cassette cette semaine, justement, mais tu sais. Ben, il montre il justement. Disait, à vendre, 2 sont complets, 80$ chacun. 2 manquent la cassette, mais ont tout le reste, 45$ chacun. Puis c'était des boîtes de Zelda, Link to the Past. Ouais. Le vendeur qui le vendait 300$, là, ce qui est triste là-dedans, puis. Tu sais, ça revient un peu encore, j'avais oublié le nom qu'on lui a donné au gars à un moment donné, mais... Eduardo, non. Pedro Stefano. Eduardo. Stefano, je pense qu'on l'appelait. Capitalist Pig. Si t'es rendu à t'acheter un Zelda à 300$ à Comic-Con, ben, ok, good for you, t'as acheté un Zelda à 300$ à Comic-Con, mais t'aides pas personne en faisant ça. Nope. Tu sais, t'aides pas personne parce que le gars, après ça, il va se dire, je l'ai vendu, je jack le prix du reste. Mais il a besoin d'en vendre juste un. Pour payer son boot au complet. Ouais, pour, pour payer le boot, mais je parle pour faire le profit qu'il ferait s'il en vendrait 10 au prix normal, vendable, qu'est-ce qu'il vaut. Tu sais, c'est. Ça n'a pas de sens pareil. Fait qu'il y en avait qui profitaient, mais il y en avait par contre qui étaient très honnêtes. Et ouais. C'était beaucoup plus à ce niveau-là que j'ai fait des belles découvertes. Vous autres, ça ressemblait à quoi? Avez-vous découvert des artistes? Avez-vous découvert des kiosques qui vous ont intéressé sur le plancher? À part le vôtre. C'est plus toi qui s'est promené. Ouais. Hein? Ben, non, je veux dire, j'avais vu le Menzai que je vois chaque année dans toutes les Comic-Con, puis... C'est lui qui a les Kid Robot et les affaires comme ça. Ouais, exactement. Il y avait l'année passée, je voulais m'acheter, c'était un genre de Mickey Mouse, David Flores. David Flores, c'est un artiste qui refait, dans le fond... Pour les gens qui connaissent pas ça, Chris, toi tu parles, dans le fond, c'est des Art Toys. Donc, ouais. C'est des jouets à édition limitée qui sont faits vraiment par des artistes. Là. Exactement, ouais. Puis, il était comme 80$, entre 80 ou 100, je sais pas, je le voulais. Finalement, je l'ai pas acheté, puis il y en a plus. Il doit se vendre, il doit se vendre sûrement sur internet bon 300 mais sont plus trouvables. Moi je suis pas une fan de Art Toys et tout ça puis mais ceux-là j'ai vraiment ils sont très beaux. Ouais. Il y en a certains comme ça qui sont assez remarquables. Puis, ça, finalement quand je me décide d'acheter, j'avais vu le Bebop et Rocksteady dimanche soir, je dis OK avant que ça ferme, je vais l'acheter. Finalement, il y avait plus de Rocksteady, même si je dis je voulais le Bebop, mais je voulais les deux en même temps. Ouais, faut les. Mais tu les as pas rachetés cette semaine? Ouais, je les ai rachetés cette semaine. Ils ont pas mis où, là? À la même place, c'est Mind's Eye, puis c'est, eux autres, ils m'ont dit que le shipping était gratis pour 100$. Nice. Que, je les ai pognés directement sur le site. C'est le même prix, dans le fond, qu'il était là-bas. J'ai pogné ça. J'avais vu. Il y avait une fille qui était au coin de notre booth. Ouais. Gillian Newland. Oh. J'ai acheté un print d'elle. Puis la petite blonde, là. Ouais. Ouais. C'était incroyable, ces prints. Nice. C'était cool au bout. Nice. Ouais, j'ai, je veux dire, j'aurais aimé ça avoir ça dans, avec. Je veux dire, pas avec une meilleure impression, mais je veux dire. Ben, je pense qu'elle a commencé, elle, ou quelque chose de même. Mais ou... elle était vraiment. Elle avait de l'entregent vraiment cool, elle aussi. Là. Elle était super fine. Et super cute, super fine, gros sourire. Ouais. C'était vraiment plaisant de parler à cet artisan. Non, elle va revenir, c'est sûr. Ouais. J'ai demandé de prendre une photo avec le print, parce que moi, j'étais un triple de Mass Effect fini, puis elle a fait un print de Reverse, puis j'ai dit, hey, je peux-tu te prendre une photo avec le print pour notre podcast? Puis elle est venue super rouge, gênée, puis tu sais, elle snake le print, puis. Tu sais, un charisme vraiment, tu le vois qu'elle est passionnée, puis elle était très humble ouais. dans son art, j'ai trouvé ça génial. Sérieusement, j'ai vu comme 20 personnes avec ce print-là. Là. Ouais. Ouais, tout le monde a acheté. L'as-tu posté, la photo? Ou... La photo est dans l'album, justement, du Comic-Con. Ça me dit rien, puis je suis sûr qu'en voyant, je vais faire comme OK, elle, ouais, ou quoi. Mais sinon, vous pouvez aller juste écrire Gillian Newland, G-I-L-L-I-A-N-N-E-W-L-A-N-D. Sur Facebook, vous allez la trouver. Sinon, il y a GillianNewland.com où ce que vous pouvez voir ses arts. Même sa carte d'affaires est quand même assez cool, avec le petit kid qui crie. Ouais. Pis, c'était vraiment le fun. Là. Finalement, j'ai acheté le Spirited Away. Nice. Que j'ai acheté. Ouais, il était très beau. Puis c'est pas mal ça. J'avais une autre de mes amies qui m'a fait un Groot qui était comme deux rangées plus loin que nous. Nova. Ok. C'était-tu la fille qui faisait des petits Groot à 5$? Il était gros de même. Ah, les Dancing Groot? Non. Elle faisait des petits Groot. Moi, j'en faisais, mais il était gratuit. Non. On l'avait pris. Le jour avant, elle avait fait son papier. Puis elle avait mis des genre du café dessus pour faire genre cool. Des traces de café un peu dessus. Fait que tout son papier est comme semi-brun. Il a l'air. Texturé cool, vieillotte. Puis elle a dessiné le Groot dessus. Puis dans le fond, on s'est échangé. Elle m'a échangé ça. Moi, j'ai donné un Luigi. Puis c'est pas mal ça. J'ai pas acheté. Habituellement, j'achète des fois des trucs de Peace for the Penis. Ouais, Peace for Penis. Puis il pousse son affaire pas mal. Fait une couple d'années, je le vois. Il était rendu trash cette année. Ouais, il était pas mal trash cette année. Mais il était trash. Non, mais là, beaucoup plus trash. Mais avant, c'est parce que, tu sais, comme mettons, je me souviens l'année où vous aviez acheté le print. C'était toi, Lindsay, qui avait acheté le print, genre du Keymaster, c'est Lindsay qui l'avait acheté. Tu sais, t'avais des affaires de même, puis t'avais la fille avec le popsicle cliché, mais tu sais, le gars, c'est son art style. Ouais, ça, c'est moi qui l'avais acheté. Mais cette année, je suis passé à côté, puis j'ai fait comme. Ouais. Ben, je voulais acheter le Mario puis Luigi. J'ai trouvé quand même assez nice. Ben, c'est très nice, c'est ça. C'est jamais assez cool. Hard pour moi. Là, ben, c'est ça. C'est juste que... Puis là, ça m'amène à un autre point. Ça manque de neige. Puis je veux pas faire mon segway tout ça parce qu'on a pas fini de parler du plancher, mais rappel, faut qu'on parle de trash tantôt. Puis là, pas mal tout le monde, on s'est parlé avant le show, vous savez où je m'en vais avec ça, mais. J'étais pas là. The Pianist, dans le fond, toi, t'as quasiment acheté un print. T'as-tu d'autres artistes, t'as-tu d'autres mondes sur le plancher? En fait, moi, je pense à ça. J'ai un ami. En fait, Ron Gouillat. Je m'excuse si je prononce mal son nom. Mais en fait, on fait partie d'un groupe d'artistes qui s'appelle les Poster Posey. Nice. Puis lui était là, lui vient de Toronto, fait que c'était vraiment le fun. Tu sais, quand ça fait des années que tu parles à ce groupe-là, puis t'as jamais vu leur face, puis finalement on se rencontre les deux, fait que ça c'était vraiment lui cool. Était au Comic Con d'Ottawa, puis justement j'avais acheté un print de lui, je savais pas, qui c'était le Adventure Time. Il y a Chasing Artwork que j'ai vu aussi qui a vraiment bien sorti à Comic Con encore une fois cette année. Ouais, lui, il est venu nous voir un moment donné. Il faisait de l'art à vecteur. Ah oui, oui, ouais, lui, je connais jamais son nom, mais je sais exactement. Moi, j'avais acheté PMNT à Ottawa, puis il était malade, puis là, j'ai vu beaucoup de monde sortir avec ses prints. Mais il y avait beaucoup de gens qui venaient, ils passaient, il y a beaucoup d'artistes qui nous échangeaient des cartes. Il y a beaucoup de filles qui étaient déguisées en. Ah, le gars de Supernatural, là. Comment il s'appelle? Castiel. Castiel. Ouais. Castiel, c'est le meilleur gender bender, je trouve, dans. Honnêtement. C'est l'ange dans c'est Supernatural. L'ange. Ok, j'écoute pas ça, fait que j'ai pas, mais. Mais c'est un des personnages d'influence. Il était en face de nous, ouais. Il était comme trois déguisés de même. Mais sinon, on a parlé à nos voisins. Il lui faisait pitié un peu. Ouais. Il y avait la fille à droite, finalement, c'est l'ami. Un de mes boss à ma job, ça a donné, je veux dire, il se connaissait parce qu'elle a posté mes affaires, lui il l'a vu sur son wall, puis il m'a sharing. Nice. Puis elle était super fine, je sais pas si elle a vendu beaucoup d'affaires, mais au moins il y avait, comment il s'appelle, Corey Shapiro de Vintage, c'est comme un revendeur de lunettes vintage à Montréal, il est assez connu, pas mal toutes les gros artistes viennent à Montréal, ils achètent tout le temps une paire de lunettes avec lui. Puis ben c'est sûrement lui, le gars qui est allé voir George Romero, puis qui a dit comme, hey, je viens d'acheter la compagnie qui distribue tes lunettes. Puis le gars, c'est un gars de Montréal. Fait que... Oui, une barbe. Je sais pas, j'étais pas là, mais okay. George Romero, il a pris le temps pendant son panneau de compter l'anecdote, de dire, hey, tu sais, hier, j'étais à ma table en train de signer des autographes, puis le gars qui a acheté la compagnie, il est venu me le dire comme... Ouais, mais ça se peut que ce soit lui. Vu que c'est une compagnie de Montréal. Il prend des photos tout le temps, genre, il a comme son bout à sa business avec des lingots d'or, puis t'as les artistes qui prennent des photos avec des lingots d'or. puis des lunettes, genre. Puis, genre, le gars, c'est un balleur, genre. Il se promène, il est tout le temps en train de se promener avec son power glove, genre sa main gauche, sa main droite, on ne veut plus. Puis, les grosses lunettes... c'est juste la main droite. Ouais, ok, c'est ça. Oh! Video game knowledge, oui. Ouais. Il est custom, c'est encore plus. Ouais. C'est gauche, ton voiture. Puis il y a un mur au complet de Ghetto Blaster. Puis il a acheté à la fille. Je pense que c'est ça le gars. Je pensais qu'il allait venir voir. Puis il aurait vu mon Akira. Puis il aurait fait. Voilà. Finalement, il a acheté un livre pour enfants qui était juste à côté. C'est correct, man. Ouais, c'est... Fallait qu'il vende. Il y en a pour tous les goûts. Moi, j'ai réussi à trouver aussi. J'ai une ancienne collègue de travail, Marie-Ève, qui a parti Pixelorama. On a mis des photos aussi sur le Facebook du collectif. J'ai pu m'acheter un NES en Perler Beads. C'est ça des Perler Beads? Ouais. Eux autres, dans le fond, ils font plusieurs créations 8 bits en Perler Beads. C'était vraiment pas cher. Moi, combien qu'avant ça, pour le fun? Ben, tu vois, mon S, je l'ai payé 7$. OK. Puis honnêtement, tu sais, il y en a peut-être qui me disent « Tabarnak, 7$, t'inquiète. » Moi, c'est vraiment pas cher. C'est pas cher pour la grosseur, pareil. T'as passe du temps là-dessus. Ben, j'en fais, puis ça prend... Ça, de même, là, si t'es bien mindé, là, ça prend quand même minimum une demi-heure. Puis en petite pièce, là, de petite affaire, faut que tu te dises qu'elle achète sûrement ça à coup de petit sac de 1000. Ouais. Qui coûte 2-3 piastres du sac, pis t'as comme 8 couleurs, fait qu'il y a un minimum, un investissement comme de 30 piastres pour elle pour faire ton bonheur. Ben c'est ça. C'est sûr qu'elle n'en fait pas juste un, mais on s'entend que. Ben le pire, c'est que regardez les photos que j'ai mis en plus, pis c'est cool parce qu'ils ont sharé mes photos sur leur page, pis autant que mon S fait à peu près, je te dirais, un 3 pouces ou 4 pouces de haut, gros maximum, ben tu sais, ils en faisaient des affaires grandeur nature de Resident Evil, des personnages de Chrono Trigger, de. Puis c'est malade parce que c'est du 8-bit art, Puis oui, ok, c'est un NES de Earthbound, puis oui, c'est un Mega Man, puis oui, c'est un affaire de main, mais ils sont vraiment cool, puis je trouve que c'est une décoration qui est différente. C'est comme ça, j'ai mis ça sur mon bureau à côté de mon ordi, puis c'est le fun. T'sais, ça décore un peu. De, plus pis... t'es loin, plus ils sont beaux, c'est con à dire. Exactement. Puis eux autres, ils viennent de starter ça. Je sais qu'elle a eu beaucoup de succès avec. Elle a dit, tu sais, la première journée, c'était comme, hey, je m'attendais pas à vendre tant que ça. Il a fallu que je me couche à 4h du matin quasiment tous les soirs. Ça c'était t'as malade. Fait, t'as refait le stock qui va bien aussi. Là. Exactement. Eric, là, tu m'as fait réaliser, on a oublié deux choses. Oui. Mais deux choses, on a oublié plein de choses, mais deux choses que faut qu'on se rappelle, que moi je trouvais que je voulais parler de principalement. Il y avait Louis et Nick qui montraient Space Bros. Que on avait-tu parlé un petit peu de Critical Hit déjà? Avait parlé vite de Critical Hit. Mais Space Bros, il était sur le plancher, puis je parle un petit peu à ces gars-là à chaque fois que je les vois, puis j'ai une belle photo qu'ils m'ont capté pendant l'événement Critical Hit que j'adore. J'adore leur concept, eux autres, le jeu est incroyable. Puis les autres, ils capotaient parce qu'ils ont décidé à la dernière minute d'aller apporter Space Bros au Comic-Con. Puis, je leur ai parlé un petit peu de comme c'est où ce qui s'en allait avec ça, un petit peu, où ce qu'ils pensent aller plus tard avec ça. Puis, c'était très drôle, justement, de parler du fait. Ouais, ok, on va s'excuser aux auditeurs, il est rendu 10h, puis le chien, il mange. Ouais, mais en passant, ce chien-là était cœur. C'est ça du podcasting, c'est gratuit, puis c'est fait par des gens réels dans la vraie vie, avec des vrais chiens qui mangent la vraie bouffe. C'est pas Radio X, puis Énergie qui te font ça. Là. Non, le Wesh 2O, genre. D'expérience. Mais là, en tout cas, tout ça pour dire que les autres, ils parlaient, je leur parlais, puis j'étais comme, qu'est-ce que vous en allez avec ça, parce qu'ils ont une Christine Manette vraiment weird pour jouer à ce jeu-là, qui est très hot, mais. Je sais pas comment est-ce qu'ils vendraient ça. Puis ils ont donné allusion un petit peu de travailler un peu sur le concept Kinect pour ce jeu-là. Oh. Puis ça m'a vraiment fait triper parce que ce jeu-là, il est très hot. Puis juste même cette 6-7 combines que tu peux faire. Je le vois sur l'Indie Market, ça. Ben, je le verrais facilement là, sur ça ou sur futur Mojang Market. Là, ouais. Mais anyways, you heard it here, folks. First. Mais ça, c'était très cool. Puis aussi, on a eu la chance de rencontrer la gang de multijoueurs que moi, j'avais trouvé qui était quand même bien sympathique. Boutique, le multijoueur. Ben, non, ils ont une boutique aussi. Je sais pas. Multijoueur.ca, si je me souviens bien. Eux, ce qu'ils font, c'est un site, un peu un portail d'information jeux vidéo québécois. Ils vont avoir aussi des séances de live session sur Twitch, tout comme nous quand on enregistre le podcast à ce moment-là. C'est des gens qui étaient quand même fort sympathiques. Ils avaient l'air passionnés. Il y avait un beau kiosque où ils montraient... un peu c'était quoi multijoueur, puis il était à côté justement de tous les développeurs indépendants dont le développeur de Anne. Honnêtement, leur projet avait l'air vraiment intéressant, fait que c'est sûr. Mais c'est certain. Ça, les autres ils expliquaient un petit peu comment est-ce que c'est eux qui avaient groupé beaucoup de les développeurs indie qui étaient inclus dans cette allée-là un peu qu'ils avaient apporté pour parler un petit peu de avoir le alley de indie là. Mais le artist indie alley. Mais c'était bien cool. Ce qui est intéressant cette année, c'est ça, c'est qu'on a passé un peu plus de temps sur le plancher. C'est sûr et certain que on a peut-être pas eu autant de couverture des événements spéciaux. Donc les. Ok, on va y donner 2 minutes là, puis sera pas long. Donc en gros, c'est ça, on n'a pas eu vraiment le temps d'aller se promener, peut-être faire la majorité des panels comme on a fait dans les années précédentes. On a passé plus de temps sur le terrain, on a passé du temps derrière le kiosque de RZO, on est allé voir Christian et Marie derrière le kiosque, on s'est promené un peu plus, et on a découvert des belles choses pareil. Comic-Con, ce qui est le fun, c'est qu'à chaque année... C'est un événement que moi, personnellement, ça trouve le moyen de me surprendre. Ça trouve le moyen de me faire découvrir des nouvelles choses. Puis je pense qu'à vous entendre, toute la gang aussi, on a tous trouvé de quoi de nouveau cette année. Que ce soit ton Phoenix Wright Galaxy près de chez vous. Turnabout. Un Turnabout près de chez vous. Je pense que c'était ça le nom en plus. Dans un Turnabout près de chez vous. Ben, à ce moment-là, un Turnabout près de chez vous ou chez nous. Tu sais, on découvre un paquet de trucs à Comic-Con. Puis c'est ça qui est intéressant. Ça vaut la peine d'y aller. Cette année, encore une fois... la passe de luxe était vraiment intéressante. Je suis jaloux de toutes vous autres qui avaient une passe de luxe puis un comic de TMNT. The Transformers, moi. Ah, bon, ben toi, tu vois, je suis pas jaloux finalement. Ça, c'est pas si pire. Mais TMNT, j'aurais été fâché. TMNT. Ouais, qui veut pas trader. Tu veux trader? Hein? Il n'y a rien d'intéressant à part de ça. C'est quel que tu as eu, toi? Ah, il y a peut-être un print que tu peux trader. Il y avait une chance exposant. Ah, ok, ouais. C'est parce que l'autre, c'est un. C'est quoi? Moi, j'ai eu deux Transformers. Ouais, aucunement impressionnant comme couvert de Transformers. T'as TNMT avec des drapeaux du Canada et du Québec. Là. Fuck off. Mais c'est qui l'artiste? Je sais pas, man. C'est le cartoon. C'est pas Santo Loco. Kid TMNT, par exemple. C'est pas les. Ouais, c'est la badge de Nickelodeon. Ok, c'est le new. Mais je voudrais qu'on prenne un peu de recul. Là. Les kids TNMT, contrairement aux adultes TNMT. Ouais, parce que là, c'est des kids. C'est des teenagers, là, par contre. la nouvelle série. Être adolescent, c'est pas facile. Donc Marie, Christian, oui. Merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. J'imagine que vous allez avoir beaucoup d'autres événements, que vous allez pouvoir aller exposer vos artwork, vous allez pouvoir participer à plein de trucs. Si par contre les gens veulent entrer en contact avec vous, comment on fait? Ben moi, comme j'ai dit, il y a mon site mariebergeron.com, puis honnêtement, vraiment, il y a tous les liens là-dessus. Il y a Instagram, Facebook, Twitter, Tumblr. Puis je pense que c'est vraiment la meilleure façon d'aller cliquer sur le bon lien. Sinon, si je donne trop de liens, le monde va être mélangé. Mais ouais, fait que mariebergeron.com. Puis voilà, je suis pas mal plus active sur Twitter et Facebook. Fait que le reste, c'est plus secondaire. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi la prochaine événement ou truc? Ou... Mais moi, c'est beaucoup d'expos à Los Angeles, New York, puis tout ça, qui changent de thème à chaque mois. Fait que quand t'es invité. Hein, excuse-moi. Bottleneck. Oui, Bottleneck, justement, c'est ce qui arrive avec TMNT. Mmh. Fait que, ouais, faut que je finisse mes trucs pour ça parce que je suis vraiment pas rendue à la fin. Fait que ça va être une belle expo qui est vraiment concentrée, je pense, sur une cinquantaine d'artistes là, qui font des trucs de TMNT. Puis c'est ça, ouais, c'est pas mal les galeries à Los Angeles puis San Francisco, des trucs comme ça. Puis j'aimerais ça, par contre, regarder un peu plus pour Comic-Con à Ottawa l'année prochaine. Fait que je vais regarder ça. Puis sinon, Québec. Y a-tu passé ça de Québec? Québec, c'est en fin de semaine. C'est en fin de semaine, hein, c'est ça. Tu peux encore booker de la place, je pense. Comme, à ce que j'ai su, tu peux encore booker un book. Comme ouais, non, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si j'allais être à celle de Québec, mais malheureusement, non. Avec Glenn, The Walking Dead, un invité spécial, et Guy Lafleur. Guy Lafleur. Je veux juste mentionner Glenn, The Walking Dead. Mais c'est ça, je trouve que c'est trop nouveau encore, Québec. Je vais laisser un peu passer. Grossir. Grossir. Puis je trouve que le geek se trouve vraiment à Montréal et non à Québec. Fait que, en tout cas, je vais laisser passer un peu cette année. Mais Ottawa, ça vaut la peine. Non. Ottawa, ouais, j'ai entendu beaucoup de monde. Le Fan Expo aussi, que beaucoup de monde m'a parlé. Mais ça, le monde dit que c'est tellement gros que tu perds un peu la map. Merci d'avoir pris le temps de venir avec nous, honnêtement. Super cool de t'avoir avec nous. C'était vraiment le fun. Ben, parfait, je suis enchanté d'entendre ça, justement. Du feedback des invités, c'est toujours apprécié. Live. Christian, toi. Moi, as-tu des nouveaux prints? As-tu du nouveau stock? J'ai du nouveau stock qui va rentrer bientôt. J'ai en train de travailler sur. J'avais fait une toile de Darth Vader. Imperial Coasting. Puis, je suis en train de travailler. Celle que Mel, si Mel elle m'écoute, elle a encore besoin de l'acheter. Puis, en fait, je voulais faire des prints de tout ça, peut-être. Différemment, quand même. Pas la même. J'en ai trois autres que j'ai en tête. Ça s'en vient tranquillement. J'ai beaucoup de travail dernièrement. J'ai des gros contrats qui rentrent. À quand est-ce la toile crossover Blood In Blood Out et Star Wars? J'ai fait une Blood In Blood Out et tous les vilains des années 70-80. Il y a Megatron Hordak dessus. Puis, Okay, c'est pas... il y a Darth Vader, mais ça, c'est tout. Non, il n'y a pas Darth Vader. Il y a Skeletor qui est en plein milieu. Ouais, Skeletor. Ok, je m'en rappelle. Celle-là, ça, si tu regardes, dans le fond, c'est pris d'une photo. De Blood and Blood Out. Blood and Blood Out, quand ils sont en prison, ils prennent une photo, la Honda. Ouais. Puis c'est ce moment-là, dans le fond, qu'ils prennent, ils ont toutes les mêmes poses. Puis tout. Et si on peut les voir sur ton site, je pense. Tu peux les voir sur mon site, tu peux les voir dans la section shop, je pense qu'ils sont là-dessus, ils sont encore en vente. C'est quoi déjà l'adresse ChristianBolanos.com, Christian avec un K, pas de CH. Faut dire que tu t'es acheté une table pour l'année prochaine. Ouais, je me suis acheté une table pour l'année prochaine, Comic-Con, puis on espère être, pas mal ensemble, Marie puis moi, puis qu'on ait toute la même... On devait, dire, techniquement, je on Je pense que vous pouvez faire la demande, puis... Ah oui, c'est ouais, déjà, fait, dit... déjà fait, ouais. Fait que non, je suis excité, j'ai bien hâte l'année prochaine, j'ai hâte d'essayer ça, fait qu'il faut que je... Faut que tu crées. Faut que je crée, faut que je trouve du temps un peu plus, fait que Destiny, je pense qu'il va rester enveloppé. C'est correct, tu joueras quand on aura fini. Regarde la boîte. Ouais, je vais regarder la boîte. Mais non, c'est, je veux dire, Google, Christian Bolanos, tu vas trouver pas mal avec, n'importe, un, avec un K. Je suis pas mal sur Facebook, Instagram, un peu sur Twitter, puis Behance, que je viens d'updater, mon Behance, mais pas mon site internet. Écoute, bon succès, Christian, dans tes projets. Merci. Milton, les gens qui voudraient ne pas jouer au Nintendo avec toi. Ceux qui veulent pas jouer à Wii U, c'est Milton 187. Je vais accepter un moment donné, peut-être, votre request quand je vais l'ouvrir. Même affaire sur 3DS. Mais ça, je vais l'ouvrir plus rapidement, pareil. Pareil sur PSN, puis sur Xbox One, dans le fond, le Milton 187. Sur Instagram, même affaire. Il y a juste sur Twitter que j'ai Zombie Milter dans le fond. Et, change ça. Non, j'avais avant Milter 187, puis je l'ai changé. C'est à cause que je le changerais sur Xbox, mais ça coûte 8$. Sur PSN aussi, si jamais des fois là, j'y vais, mais je suis pas mal sur Netflix. Mais c'est Metal Fingers Doom. Fingers avec un Z. T'es mon ami. Ouais. Eric, okay, les gens qui voudraient manger une volée à Hearthstone. Ah, puis mon Facebook, mon nom. Pour de vrai, tu joues à Hearthstone. Priced. J'ai joué longtemps. Priced, hashtag 1387. Marie, bring it fucking on. Je suis en ce moment à avoir bien de la misère à sortir de niveau 16. Les priests me font fucking chier. Puis j'ai pas le temps de grinder plus que ça. Mais fuck les prêtres, sérieux. Mind control, ça me fait fucking chier. Surtout quand j'ai un fucking Tyrion Ford Ring qui kick ass, mais qui se fait mind control. Anyways. Je peux même pas sortir. Il y a probablement quelqu'un qui a compris ce que tu viens de dire. Ouais, moi j'ai un peu compris. C'est bon. Mind control. Mais ceci étant dit, Blood In, Blood Out, je dis une parenthèse, je veux jamais toucher les reins juste à cause de ce film-là. Fait que j'ai toujours apprécié cette leçon de vie-là. Puis Montréalien sur Facebook, Éric Hébert sur Facebook, Twitter, un peu tout, là, c'est ça. Excuse-moi, André, je dois pas te débalancer avec ça, mais c'est vraiment un aveu sérieux. Moi, ce qui me fait capoter, c'est que je pense qu'on est la seule chose qu'on a l'opportunité de plugger nos social networks, puis notre nom, comme bing bang, puis que ça finit tout le temps par genre. L'autre fois, je suis allé à l'épicerie, j'ai acheté du Kraft Dinner, puis tout Montréalien sur Twitter. Yo, pas d'héroïne à cause de Blood In, Blood Out. Merci, Chris. Chris aussi n'a pas de chier, je te gage, à cause de ça aussi. Ouais. Man, c'est sérieux. Hein. Okay. Ça, quand j'étais petit, j'avais écouté ce film-là, puis ce bout-là. Mais c'est l'overdose, là, ouais, ça ça m'a traumatisé à vie. Never. J'ai vu Trainspotting, après, j'ai dit, pfff, whatever. Ça, je l'ai vu, l'autre, je l'ai pas vu. Ouais, Blood In, Blood Out, j'ai jamais vu. Ah, c'est les princes de la ville. Parce que j'adore Trainspotting. Non, ça n'a pas rapport à Trainspotting, okay, mais il y a de l'héroïne. Allez, écoutez ça. Okay, excuse André. Trois heures, trois bonnes heures. Les plugs. James Olmos, non? C'est, non... il joue là-dedans? Non, c'est quoi son nom encore? Le gars, là, de Miss Congeniality, là. Oh my God. J'ai pas vu. Benjamin Brallium, Shatner. Tu le gars dans Land of the Dead, le latino? Non, Benjamin Bratt. C'est tellement ça perd du tout son street cred. Les gens qui voudraient me suivre sur Facebook, André Paquette, sinon Uzumaki QC sur Twitter, Instagram, Tumblr, nouvellement sur PSN, sur Xbox Live également. Nous sommes le Geek Collectif. Merci d'avoir été avec nous. Nous sommes un fier partenaire de RZO. réseauweb.com. L'épisode sera en ligne également sur iTunes. On vous invite à nous laisser une cote de 5 étoiles ou plus. See what I did there? Donc, ça nous aide beaucoup, ça nous encourage parce que le podcasting, comme vous avez entendu plus tôt par le chien qui mangeait ou les bruits absurdes autour, ben c'est gratuit, c'est fait de bon cœur, c'est fait pour vous et par nous. Donc, par vos cotes nous aident grandement à pouvoir... Trouvez-en un autre podcast qui vous donne des bruits de chien qui mange gratuitement comme ça. Puis j'espère juste que le gars là, que César, il n'y a pas de podcast. Check Bay, il spécialise juste là-dedans. Donc on se revoit dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci à vous et à bientôt. Ciao.